de la poudre et des balles. Voilà, il faut donner à Zelensky de la poudre et des balles. La conviction que j'ai, qu'il appartient aux juifs, en moi, de travailler à la rédemption du reste des humains. Petit coup de l'âme de l'humanité. C'est ça être juif. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 8, épisode 10. Sans transition aucune, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse email suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Donc, si vous avez des questions ou des coupures de presse à nous soumettre ou toute autre requête, n'hésitez pas. Le nouveau nom de domaine, puisque l'ancien a sauté, est le suivant, dempart.world, W-O-R-L-D. Je voulais aussi signifier que le Forum Europe Écologie Les Brins est toujours en maintenance. Il y a pas mal de travail à réaliser, donc j'invite les membres du Forum et tous ceux qui souhaitent le lire aussi régulièrement, sans pour autant participer, à être patients. Il reviendra en temps et en heure. Comment dire ? Bah voilà, voilà pour les rappels. Aujourd'hui, nous sommes en tandem avec Derrick. Salut, cher Derrick. J'espère que t'as la pêche, la patate, la banane. Ouais, salut Gandalf. Écoute, oui. La banane. On s'adapte. Chevauche le tigre. Oui. On va. Non, mais la banane, on s'adapte surtout à. Au biotope de ce qu'est la France maintenant. Oui. La banane. Oui, tout à fait, exactement. Comment dirais-je, Diabolix devait nous rejoindre, mais il a eu un problème technique de dernière minute qui l'a empêché d'être présent. Et nous avons aussi pas mal de camarades qui sont tout simplement absents pour raison de fête de Pâques, n'est-ce pas ? Donc voilà. Maintenant, les dons. Alors, vous le savez, si vous souhaitez soutenir Démocratie Participative, qui ne peut fonctionner que grâce à nos donateurs, eh bien, vous pouvez le faire en crypto-monnaie. Celle que nous utilisons, vous le savez, c'est Monero, qui est la seule crypto-monnaie, ou pratiquement, qui garantit l'anonymat des transactions. Ce qui est un avantage évidemment considérable pour tous ceux qui essaye d'échapper à la répression politique. Et d'ailleurs, un Suisse, Richard, je donne son prénom tout de suite, nous écrit pour nous poser une question, et j'ai trouvé ça intéressant, puisque ça tourne autour de la question du soutien financier, pour ce qui nous concerne, mais virtuellement ça peut s'appliquer à bien d'autres initiatives qui cherchent aussi à contourner la censure. Voici ce qu'il nous dit. Rivarol a écrit qu'il a gagné contre PayPal et a contraint donc cette entreprise à rétablir son compte. Donc le compte PayPal de Rivarol. Pourriez-vous faire de même afin que je puisse vous envoyer de temps en temps des sommes substantielles, nous dit-il, parce que Monero, c'est trop compliqué pour moi. Alors, pour répondre à Richard, en fait, on ne peut pas utiliser PayPal, même si PayPal nous acceptait. Parce que, évidemment, les autorités françaises demanderaient à PayPal de fournir les informations relatives aux transactions, c'est-à-dire carte bancaire, identité de ceux qui détiennent ces cartes, adresse, etc. Et donc, il y aurait une vague de répression dans la foulée. Donc, on ne peut pas utiliser PayPal, quand bien même PayPal nous tolérerait sur sa plateforme, ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a quelques mois, PayPal a fait la une de la presse internationale pour avoir mis en place un principe assez intéressant qui était le principe de la taxe rabbinique pour racisme. Hein. Donc, en fait, c'est... PayPal s'autorise à prélever, je crois, jusqu'à 2000 dollars ou 2000 euros, parce qu'on est presque à la parité sur les deux monnaies, si d'aventure vous enfreignez la charte de cette entreprise sur l'incitation à la haine, à la discrimination, etc., etc. Et alors évidemment, c'est complètement discrétionnaire, c'est-à-dire que c'est pas une mesure judiciaire, hein, c'est-à-dire que l'entreprise peut se servir sur votre compte si elle estime qu'à un moment donné, vous avez écrit quelque chose ou dit quelque chose qui pourrait être raciste. Donc, voilà. Alors, quand ça avait été révélé par la presse internationale, PayPal a, dans un premier temps, nié, en disant que c'était une erreur, qu'ils n'avaient pas voulu faire ça, que c'était... Voilà. Et le mois suivant, ils sont revenus à la charge, ils ont dit « Non, mais en fait, c'est ce qu'on veut faire. Et on va le faire. » Donc, c'était assez extraordinaire. Donc il faut le savoir, c'est-à-dire que PayPal s'autorise à prendre votre argent sur vos comptes simplement parce que vous dites des trucs. Voilà. Et vous n'avez pas de recours. C'est-à-dire que bah, vous imaginez un recours contre PayPal, là, donc il faudra aller devant la justice, etc. Bon, enfin, c'est des trucs à... Bon, alors une justice évidemment bienveillante, vous vous en doutez, dans tout ce qui pourrait être propos à caractère dit raciste, islamophobe ou prétendu tel, etc. Enfin, je vous passe tout ça, vous savez ce que ça veut dire. Donc c'est vrai qu'en fait, personne ne va porter plainte pour ça. D'accord ? Donc ça ne va pas faire reculer PayPal, et donc ils font bien ce qu'ils veulent. Donc ils font ce qu'ils veulent avec votre argent. Ils peuvent aussi complètement geler votre compte, etc., etc. Donc en fait, on ne peut pas l'utiliser pour toutes ces raisons-là. Donc malheureusement, on n'utilise que Monero, mais Monero est très solide. C'est une crypto-monnaie qui nous accompagne maintenant depuis des années. Donc en tant que média vraiment persécuté par les autorités françaises sur exigence des juifs... alors là, vraiment, dans les grandes largeurs, parce que bon, dans le nom de domaine, ils sautent toutes les deux ou trois semaines, il y a eu aussi une offensive contre notre forum, on ne peut pas être présent sur aucun réseau social parce qu'on est immédiatement censuré, enfin, il y a un effort énorme pour nous faire taire, et c'est Monero qui nous permet de nous financer, et c'est grâce à nos donateurs qui utilisent Monero qu'on peut résister. Donc après, bon, je ne suis pas là pour, faire des procès d'intention aux uns et aux autres, mais il faut quand même le dire, si vous voyez des gens qui sont soi-disant opposés à la politique gouvernementale ou à l'idéologie dominante ou autre, et que vous les voyez lever des Tipeee, vous les voyez opérer sur PayPal, vous les voyez opérer sur Stripe, vous les voyez opérer par d'autres moyens équivalents, bon, ils gênent pas tellement le système, parce que quand le système veut vraiment votre peau, croyez-moi bien que vous n'avez plus de moyens de financement classiques, conventionnels, c'est impossible, hein. Je parle même pas des RIB et autres, hein. c'est pas possible, les banques ferment vos comptes, etc. Donc voilà, donc c'est pour répondre, malheureusement, donc je m'adresse à Richard ici, on ne peut pas utiliser PayPal, on peut pas, c'est impossible. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de le préciser pour les gens qui pouvaient s'interroger. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus rébarbatif pour ceux qui veulent nous soutenir, mais ça les protège aussi davantage, puisque forcément, si vous faites un soutien par carte bancaire, vous donnez des informations, bon bah là, avec Monero, c'est pas le cas, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Donc voilà pour ça, donc c'était une réponse que je souhaitais faire. Premier don, je passe au don suivant. Bonjour à vous, chers camarades, j'espère que tout le monde va bien. Je vous ai envoyé un don de 0,1 Monero pour continuer la lutte contre les imbaisables tels que Sardine. Sous-entendu, Sardine Ruisseau, hein, la militante écologiste. Oui, il faudrait en parler de cette femme aussi, un de ces quatre. Dont Laura s'est un peu éteint ces derniers mois. Elle fait moins parler d'elle, en dépit de ses efforts. Mais je crois que l'actualité l'a un petit peu... l'a un petit peu mise de côté, à charge de revanche pour Sardine. Alors, je voulais aussi dire que les anti-nazis de FR Déter, alors Français Déter, alors on va en parler de ça, ne se sont pas fait choper par la faute des Gogol 88, comme ils disent, mais bien plutôt parce qu'ils ont donné leurs infos personnelles sur un canal ouvert à tous et en plus sur une application surveillée par les flics en l'espace Telegram. Alors ça, c'est la première partie de son message, donc je m'y arrête tout de suite. Je le complémente avec cette coupure de presse. Vous allez voir, vous allez comprendre, plus de détails sur l'affaire, c'est Nice Matin. Alors voici ce que nous dit Nice Matin à propos de cette affaire de FR Déter ou Français Déter. Donc une enquête a été ouverte jeudi 6 avril sur des boucles de discussion Telegram utilisées par le groupe d'extrême droite FR Déter, qui y échangeait des propos racistes et des appels à la violence, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche de l'enquête et le parquet de Paris. L'enquête a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire, donc la DCPJ, et aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les crimes de haine. Je trouve ça extraordinaire. Donc c'est la même organisation, comment dirais-je, judéo-bolcheviste, qui persécute Vincent Renoir, hein, qui est à l'œuvre pour le faire extrader, parce que je crois qu'il n'a pas tout à fait la même comptabilité que la famille Klarsfeld. Alors, donc, a ajouté le parquet sans préciser les infractions retenues. L'enquête a été ouverte pour apologie du terrorisme, menace de mort ou autre crime, incitation à la haine ou à la violence, notamment, a précisé à l'AFP, une source proche de l'enquête. Selon une autre source proche du dossier, c'est la sous-direction antiterroriste, la SDAT, qui a été saisie pour la DCPJ. Bon, débrouillez-vous avec le labyrinthe des différents acronymes de la police française. Alors, lundi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait dit travailler aux suites judiciaires à donner concernant ces groupes de discussion utilisés par le groupe nationaliste français Déter ou Déterminé sur la messagerie cryptée Telegram. Parallèlement, un signalement via la plateforme Pharos avait été adressé à Telegram pour obtenir leur fermeture. Depuis, la chaîne a été fermée par Telegram, assuré vendredi le ministère de l'Intérieur, encore une fois sollicité par l'AFP. L'avocat Nabil Boudi a de son côté indiqué à l'AFP avoir déposé une plainte contre X ce vendredi 7 avril au parquet national antiterroriste, le PNAT, pour association de malfaiteurs à caractère terroriste, divulgation de données personnelles d'un individu dans le but de lui nuire et provocation directe à la commission d'actes de terrorisme. Cette plainte collective a été déposée au nom de 9 personnes, dont des personnalités politiques, a précisé l'avocat, ces groupes Telegram, sous surveillance depuis fin 2022, donc vous voyez, c'est écrit, hein, comptaient plusieurs centaines de comptes, avait détaillé à l'AFP une source policière. Parmi ces utilisateurs, certains profils étaient déjà connus des services de renseignement. L'existence de ces groupes a été révélée sur Twitter par le compte... Je ne peux pas répondre, parce que je ne peux pas citer... C'est en arabe. Tajmat, à moins que ce soit du Kémite, je ne sais pas. Donc, qui se présente comme une plateforme de collaborative pour les Maghrébins. Tajmat a diffusé plusieurs captures d'écran des conversations où les utilisateurs échangent des propos racistes et des appels à des actions violentes. Parmi les utilisateurs, certains se présentaient comme militaires ou policiers, mais cela reste à démontrer car beaucoup de ces comptes n'ont pas encore été identifiés, avait encore dit lundi la source policière. Voilà. Donc c'est en complément du courrier des lecteurs, enfin du don, parce que je remercie d'ailleurs notre donateur, mais c'est pour sa première partie de courrier. Je tenais à donner les éléments... on va dire, principaux de l'affaire à nos auditeurs pour qu'ils sachent évidemment de quoi ils retournent. Alors, pour résumer, vous avez un canal Telegram qui a été créé, qui s'intitule Français Déterminé, abrégé en FR Déter, dans lequel tout le monde était invité, c'était ouvert, hein, était invité à manifester son intention de rejoindre une organisation dure, pour chasser l'envahisseur musulman. Voilà, hein, c'était placé résolument sous le patronage historique de Charles Martel. Alors, petit problème, c'est que comme c'est ouvert à tout le monde. Hein, c'est-à-dire que c'est pas ouvert qu'aux nationalistes, c'est aussi ouvert et surtout aux flics, aux balances, bien évidemment, aux Arabes, les principaux visiblement intéressés par la manœuvre, puisque c'est vrai que visiblement le sujet principal de discussion consistait à aller leur casser la gueule. Donc évidemment, non, ils ont commencé à se poser des questions. Et j'ai vu qu'il y avait une opération qui était prévue pour le 13 avril, je crois, enfin sous toute réserve, contre une mosquée qu'on voulait plus ou moins, je ne sais pas, détériorer. Je ne sais pas. Enfin bon, on voulait s'en prendre à un lieu de culte islamique. Et est arrivé ce qui devait arriver, à savoir que... enfin, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est que c'est les flics qui auraient dû procéder à des interpellations dans toute la France. Vous connaissez ce type d'article qui tombe comme ça, je veux dire, le jeudi matin, vous ouvrez le Parisien, ah, une grande opération de police. Donc voilà, le ministère est content, il se fait faire de la pub, il y a de la promotion. Et en fait, bah, les bougnoules ont été plus réactifs en fait, que les flics, qui montaient patiemment leur dossier. Probablement, ils ne se sont pas pressés parce qu'ils voulaient des trucs assez accablants pour avoir vraiment des trucs... Je pense qu'ils voulaient vraiment de longues années de prison pour les gens qui suivaient. Oui, soit ça, soit tout simplement garder ça sous le coude pour le sortir au bon moment au niveau politique. Ah, tiens, on en a besoin maintenant, ça ferait bien. C'est bien d'avoir ça dans le tiroir, quoi. Ah, ça, c'est... Pas forcément de sortir un truc gros, ça c'est possible aussi. La bonne barboserie, le gros coup monté, quoi. Mais sinon, bon, mais c'est là, au pire, on a arrêté des types. Il y a des mots. Ultra droite. Mots il y a des mots échangés, ultra droite. Les mecs ont dit, je sais pas, qu'ils voulaient dégager tous les bougnoules. Donc c'est. C'est déjà une entreprise terroriste, tu vois le truc. Là, ça allait un peu plus loin parce que j'ai quand même regardé le contenu des échanges. Ah. Oui, il y avait quand même, on discutait quand même des travaux pratiques, hein, quand même. Hein, c'était censé. Oui, effectivement. D'accord. Voilà. Et il y avait des profils, alors sous toute réserve qu'ils soient authentiques ou pas, mais enfin, il y avait quand même des gens qui étaient pas très intelligents dans l'eau, je dois bien le dire. Quand bien même avaient-ils des sentiments nationalistes, parce que ça posait en uniforme militaire, ça montrait que ça manipulait des fusils d'assaut, tout ce qu'on voudra. Bon, ça aimait bien les uniformes, la police, et il y en avait qui donnaient carrément où ils étaient en poste et tout. Bon, je veux dire, là, si tu veux, bon, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Mais c'était peut-être un test de QI géant des services de renseignement qui rigolaient derrière leur écran. Je ne sais pas, mais... Ah ben, oui, je ne sais pas. C'est vrai que... Enfin, les bougnoules sont un peu cons d'avoir laissé le truc. Bon. Parce que j'ai lu les, enfin Taj Mahat, ils ont un compte Twitter, ils ont. Les Taj Mahat, les seniors, ils ont tout récupéré. Merci aux Arabes, parce que. Ils ont récupéré les audios, les trucs, les mecs. D'accord. Si tu veux, t'as quand même un. Les gars, ils sont fait. C'était sûr, mais en fait, je pense simplement que les bougnoules ont mis ça sur la place publique. Alors que dans le même temps, en fait, parce que c'était ouvert, enfin, je sais pas si t'imagines, quoi. Et évidemment, t'avais des mecs du renseignement, ils sont obligés, je veux dire, je vais pas accabler les flics. T'as des types qui se rassemblent, ils disent qu'ils vont aller cartonner des gens à droite à gauche. Les flics, ils se pointent, qu'est-ce que tu attends? Évidemment, les mecs, ils foutent leur nez là-dedans, c'est sûr. Et ça continue. Donc, tu ne sais pas, en fait, dans quelle mesure c'est une provocation policière. Ok, tu sais pas. Et c'est ça que moi c'est la première chose que je dis. Je veux dire, vous voyez des canaux qui s'ouvrent sur Telegram et trucs machin, qui prétendent être nationalisés. Mais d'abord, vous savez pas si c'est pas une initiative sous couverture des flics pour attraper des couillons, pour parler clairement, ou si ça n'est pas une de leurs initiatives. Des provocateurs des flics s'assurent que la dynamique s'amplifie pour aller dans le sens où recherché par les autorités pour avoir le dossier nécessaire. Au moment venu, soit que c'est pour des raisons politiques, soit que il s'agit simplement de faire un carton contre la Syrie. Mais moi, alors ils étaient sur Telegram. C'est une application depuis l'État islamique en 2016. On sait que c'est une application qui sert à arrêter les types qui sont dans les radars de l'État français. 7 ans plus tard, t'as des mecs qui s'acharnent à l'utiliser. Je comprends pas. Je veux dire. Téléphoner directement aux flics. Je veux dire, si vous en êtes là, n'utilisez pas ce truc, d'accord? Mais bon, tout le monde l'utilise et machin, et voilà. Mais tout est analysé sur Telegram, tout, absolument tout. Et ils savaient et d'ailleurs, c'est dit dans l'article, ils savaient que ça se passait. Donc, déjà, Telegram. En clair, moi. Et alors, le truc, parce que je ne l'ai pas précisé, ce n'est pas non plus précisé dans, dans l'article de presse, c'est que cette organisation prétendait se structurer sur toute la France. Donc sur, d'ailleurs, sur une base départementale. Et il disait aux gens, vous êtes de quel département? Entrez en contact avec nous. On va vous faire rentrer dans les groupes, etc. Machin. Et c'est ce qu'il faisait. Donc il créait une structure pyramidale. Donc c'était en clair, oui. Sur Telegram, c'était pyramidal. Les types disaient ouvertement qu'ils voulaient faire des cartons sur les boules, donc t'es disponible pour faire un coup, etc. Donc c'était des ratonnades, c'était cogner des mecs, c'était... Bon, c'est, ouais, pas... c'est-à-dire que c'est... Bah, c'est, ouais, c'est le jacobinisme comment dire, mis à l'état de... Ouais, la résistance des jacobines. L'identité française est tellement... tellement imprégné de centralisme que tu le retrouves là-dedans. Bon, on sait que c'est le meilleur moyen de, hein, d'avoir une structure déficiente. Quoi, hein. Ou alors, encore une fois, oui, alors ce sont des flics un peu feignants, tu vois, qui ont simplement pris le découpage administratif. Ça, voilà, on va pas se faire chier. Comme ça, on saura qui mobiliser. Oui, comme ça, on serait parti le boulot. Voilà. Ah oui, c'est vrai, c'est faut voir ça. Effectivement, si c'est des flics, oui, il faut comprendre que voilà, leur prérogative, peut-être qu'ils se partagent ça en fonction de là où ils sont. Oui, pourquoi pas. Bon. Oui. Voilà, donc bon, les gars, s'il vous plaît, arrête. Bon, il y a un vrai problème avec ça, c'est le besoin de gens, on va dire, dans les mouvements nationalistes, identitaires ou apparentés, de prendre des photos d'armes et de les mettre sur les réseaux sociaux. Ah oui, ouais, ça c'est... Ah voilà, bah les gars... Ouais. Regarde, oui, je vois bien, oui, je suis pas le seul à le voir, tu vois, bon, moi, je suis pas là pour juger les passions des uns et des autres, les goûts des uns et des autres, l'intérêt pour les, mais vous êtes pas obligé de prendre des photos de tout ce que vous avez, de le balancer sur Internet, vous êtes pas du tout obligé, c'est pas obligé. Donc les petits gars, alors ça a l'air d'avoir quand même drainé du monde, parce qu'on parle de centaines, alors ils vont filtrer, ils vont voir quels gars ils ont envie de poursuivre, parce que ça c'est à la discrétion des juges, alors. Je pense que le ministère de l'Intérieur, les armées, c'est parce qu'il y avait des légionnaires dans le lot, d'autres militaires, etc. Donc là, ça va être au prorata de la politique de la maison, en fait. Donc les militaires, en général, ils n'aiment pas trop qu'on vienne fouiller dans leurs affaires. Donc là, est-ce que c'est... En général, c'est géré en interne. Pour les policiers, bah, c'est beaucoup plus politique, puisque le ministère de l'Intérieur est politique par définition. Et que c'est un ministère énormément sous pression de la part de l'opposition de gauche, comme vous savez, et vous le voyez encore aujourd'hui avec les manifestations Sainte-Soline, tout ça, vous voyez que, bon, tout est un peu prétexte pour s'en prendre aux flics. Bon, je suis pas là pour jouer du violon sur le sort des flics, mais je veux dire, bon, la gauche veut bouffer du flic, c'est le truc de base. Donc, évidemment, le ministère de l'Intérieur fait tous les efforts possibles pour éviter de donner... pour prêter le flanc, on va dire, à des attaques de la gauche. Donc, quand il y a un mec qui se fait poisser dans leur rang en ayant tenu, ils sont foutus dehors. Ok, ils sont foutus dehors. Il y avait eu d'ailleurs des... Mais c'était pas qu'ils étaient mal intentionnés, mais ils étaient imprudents. Les conversations WhatsApp. Voilà, les boucles WhatsApp, etc. Les mecs étaient. C'est arrivé chez un nègre, je crois. Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, bien sûr, il y a toujours une oreille indiscrète. C'est pour ça que non, il faut pas faire de boucles WhatsApp. Voilà, vous êtes flic, vous avez de bonnes idées, etc. Ben, vous les gardez pour vous, ou alors vraiment, quand il n'y a que vous, vous savez qu'il n'y a que vous, mais vous oubliez les boucles WhatsApp, les boucles Telegram, arrêtez avec ça, c'est des archives qui vont être utilisées contre vous après. Parce que c'est, voilà, on le sait, donc il y a eu plusieurs cas de policiers qui se sont fait purger comme ça. Mais il y a des gens qui persistent, quoi. Alors après, bon, moi, j'imagine qu'il y aura toujours des gens qui vont persister, hein, je veux dire, même après cette affaire, il y a des gens qui vont... Mais là, moi, ce que j'ai observé, bon, je vais pas m'éterniser non plus sur l'affaire, mais en catastrophe, les gars en question ont fermé leur compte, alors que la veille, ils étaient complètement enflammés, voilà, c'était Poitiers, quoi, 732, quoi. Et puis le lendemain, les mecs, merde, je fais quoi mon téléphone, c'est, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'entre eux, les fantasmes, et la réalité, ça n'a rien à voir. Et puis en plus, quand l'État... Parce que l'État, en plus, c'est-à-dire que les gauchistes, les musulmans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en France, ok? Ils poignardent, ils brûlent, ils... Bon. Il n'y en a pratiquement aucun qui se fait emmerder. En revanche, les nationalistes, s'il y a un pas de travers, toute la jugerie de gauche se mobilise pour leur faire la peau. D'accord ? Pour de simples propos, je ne parle même pas d'actes violents. Alors, vous imaginez des actes à caractère violent. Et encore, là, ils parlent de terrorisme, etc. Bon, on était quand même encore loin du terrorisme. Il n'y avait pas d'histoire de préparer des fusillades ou des attentats à la bombe. C'était plutôt organiser des rixes. Hein. C'était plutôt ça. Mais quand même, alors comme ils ont prévu de s'en prendre à une mosquée, alors là, voilà, pour un juge rouge, c'est parfait, quoi. C'est parfait, voilà. Il y a les données numériques, digitales, il y a le caractère de groupe, les propos à caractère raciste, voilà, tout ce que vous voulez, c'est parfait. Et donc les oiseaux en question qui se sont fait attraper, eh ben, ils sont éligibles pour potentiellement 4-5 ans de tôle. Et oui, d'accord ? Il n'y a pas passage à l'acte. Mais quand même, il faut savoir que incitation à commettre des actes violents, c'est 50 prisons hein, qui sont encourues. Et là, derrière, bah, ça sera en fonction de l'humeur du juge. Ça sera en fonction de l'humeur du juge. Et généralement, ils sont de très mauvaise humeur quand ils tombent sur des nationalistes. De très mauvaise humeur. Alors, dans des affaires comme ça qui sont médiatisées, c'est encore pire. Parce que l'affaire est suivie par la presse, les juges le savent, donc ils savent que leur verdict sera observé par la presse hurlante de gauche, et comme les gars font carrière, donc bon, en général ils font du zèle, mais en plus comme ils font carrière, ils n'ont pas du tout envie de laisser supposer que voilà. Donc ils se font plaisir hein, sur des cas comme ça. Donc les gars, arrêtez. Arrêtez avec ça. Donc pas de photos d'armes, pas de discussion à caractère, on va monter des trucs à caractère violent, oubliez ça. Et même d'une manière générale, évitez ce type d'application. Elles sont sous haute surveillance, d'accord ? Tout simplement, ok ? Voilà, ne prenez pas la police française pour des gens complètement incompétents. C'est pas parce qu'ils touchent pas aux Arabes qu'ils sont incompétents. Ils touchent pas aux Arabes parce qu'ils ont consigne de pas s'occuper des Arabes. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas s'occuper de vous. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire, parce que... Voilà. Donc c'est ma réaction personnelle, en tout cas, au courrier de notre auditeur. Ça m'a, je vais le dire, exaspéré. Parce que ça se réitère. Bon, bah nous, avec nos moyens, on essaye d'alerter, de dire aux gars, prudence, vous êtes en terrain miné. Et malheureusement, il y en a encore trop qui passent outre. Et se produit ce qui doit se produire. Voilà. Qu'est-ce que tu... Un petit truc à rajouter, peut-être éventuellement, Derek, ou on continue ? Non, bon, c'est triste, quoi. Bon, plutôt que de... Enfin, faites autre chose de votre vie plutôt que de vous dire que ça va servir à quelque chose d'aller faire un truc sur une mosquée, un truc comme ça. Parce qu'en fait, ça ne changera pas le nombre de nègres en France ou d'arabes. Si vous voulez. Ça n'aura aucune espèce d'incidence positive sur votre avenir. Donc, essayez de... Ben voilà, focalisez-vous sur d'autres choses. C'est bien d'avoir conscience de... c'est bien. C'est bien pour analyser, quoi. Hein, d'avoir des capacités de voir les... d'analyse de l'état actuel, de l'état du pays et de où il va, des dynamiques. Mais ça doit vous servir pour vous faufiler là-dedans, pas pour faire les kamikazes. Tout à fait. Alors, deuxième partie du courrier. Alors, et sinon, que pensez-vous des conseils de Bernard Lugan qui sont, premièrement, se former intellectuellement, deuxièmement, pratiquer un sport de combat, troisièmement, passer son permis de chasse, quatrièmement, faire de la réserve militaire. Sikael, vive la France, sans les peaux sombres, et c'est signé, capote en bois, pourquoi pas, je veux dire. Capote en bois. Alors, réponse d'Eric, qu'est-ce que tu en penses ? Ah bon, former intellectuellement, bien sûr. Sport de combat, pourquoi pas ? Lequel sport de combat ? Est-ce que je ne sais pas, mais alors en fait, si tu veux, je suis un ami qui nous écoute certainement, qui est pratiquant, à un certain niveau, me dit que oui, c'est très bien le sport de combat, mais face à un couteau, si tu veux. Oui, c'est compliqué. Voilà, donc c'est... Si vous croyez que... Enfin, si vous voulez gagner confiance en vous, en faisant des sports de combat, c'est, ben ouais, vous allez gagner la confiance, et puis quand vous allez arriver devant un couteau, ben vous allez être mort. Donc c'est bien pour l'activité, hein, c'est certainement, mais pas. C'est manière de dépenser son énergie et puis de, ben, oui, de quand même d'avoir une certaine maîtrise, oui, d'améliorer sa maîtrise de soi. Voilà, dans cette optique-là, oui. Si vous pensez que vous, que vous allez être invincible au coup de couteau. Je rappelle qu'un arabe égale un couteau. Hein. Voilà. Oui, oui, c'est un monteur. C'est un minimum. Oui, oui. Quoi. C'est une équation à peu près. C'est une équation qui arrive à cette conclusion-là. Hein. Un couteau égale un arabe. Hein. Dans la rue, ça marche comme ça. Donc, oui, mais. Hein, voilà, en gros, bémol. Passer le permis de chasse. Dans une activité où si on est en campagne, ça peut être intéressant, effectivement. Le truc sous-jacent étant passer un permis de chasse simplement pour accéder au droit de posséder une arme. Oui, pas que ça, voilà. Je pense pas que c'est que ça. C'est-à-dire, après, tu as les groupes, du coup, tu fais connaissance. Ah oui, oui, avec, oui, oui, oui. Société moi, de chasse. Moi, c'est plus. Parce ouais. que l'arme, on est entre elles-mêmes, bon, oui, pourquoi pas. Mais c'est surtout avoir. Faire des connaissances qui sont en général assez. C'est la société de bon, chasse, après, c'est ça que tu veux dire. Hein. Ouais, c'est ça. Après, bon, faut voir, ça dépend des coins. Hein. Ça peut t'apporter au niveau de la vie professionnelle, du boulot, etc. Quoi, hein, de rencontrer des gens. Voilà, très bien. Bon, c'est des clubs assez fermés, hein, les sociétés de chasse, hein, quand même. Voilà, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des trucs de jeunes, etc. Où ça peut sourire en veillant bien à ce que ça tombe pas dans je poste mes armes sur les réseaux sociaux, hein, comme dans le, voilà, comme tout à l'heure. Ah oui, non. Non, oui. Voilà, que les choses soient bien cloisonnées, quoi. La chasse, ok, très bien. Manger, tout ça, voilà, pourquoi pas. Les groupes chasseurs sont pas forcément non plus, voilà, c'est pas forcément. Hein, oui, c'est pas la Waffen-SS. Pas idéalisé, donc. Oui, hein, c'est voilà, pas la Waffen-SS, c'est sûr. Ça, c'est hein, l'accident de chasse parce que beaucoup de d'alcool. Ouais, oui, voilà, c'est pas que la propagande. J'ai pas envie non plus de. Si vous voyez que c'est vraiment trop aviné, c'est pas non plus. Ouais, pensez à votre vie, quoi. Hein, c'est bref. Les accidents de chasse, il y en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup. Et souvent entre chasseurs. Et là, le dernier point, la réserve militaire, ouais. Là, je serais. Si vous voulez. C'est. Après, si vous avez envie d'aller vous battre, faites d'être envoyé en Europe de l'Est ou quoi, bon, peut-être pas en Ukraine maintenant, mais c'est quand même le meilleur moyen d'y aller. Quoi, hein. C'est le moyen le plus rapide. Faites de la réserve militaire. Ouais. Moi, je pour avoir une formation là-dessus, j'allais dire, devenez un petit peu anarchiste et faites plutôt black box. Hein. Ça sera plus pratique au niveau de la formation et plus efficace. Quoi. C'est mieux de savoir comment réagir, comment se confronter à l'État français de cette manière-là que d'être utilisé par lui comme viande. Si vous voulez être de la viande, vous pouvez aller rentrer dans la réserve. Pas de problème. Alors. Je reprends les points. Se former intellectuellement, bon, ça va sans dire. Hein, formation politique, bien entendu. Pratiquer un sport de combat, oui, bien sûr. Parce que ça vous donnera, comme l'a bien dit Derek, une maîtrise de vous, etc. Un sport de combat qui est souvent cité, que des camarades à moi ont souvent cité avec satisfaction, et le sambo, qui est russe. Il est apprécié, ce sport. Il a des qualités inhérentes. En tout cas, d'après ceux qui l'ont pratiqué. Donc, il y a des discussions sur le sport qu'on a déjà eu dans l'émission, mais voilà. Donc oui, de toute façon, oui. Mais comme l'a bien dit Derek, ça ne vous transforme pas en homme blindé. Hein. Donc voilà, donc une lame, ou même un flingue, vos années de pratique ne vous sauveront pas. Hein. Voilà, donc il faut concevoir qu'il y a des limites à l'exercice. Passer son permis de chasse, ma foi, pour ceux qui le veulent, oui, pourquoi pas. Bon, Derek en a parlé aussi. L'intérêt, éventuellement, c'est de rentrer effectivement dans une société de chasse, de nouer des relations, etc. Ça va dépendre de la société de chasse. Ça, c'est si vous voulez pratiquer vraiment la chasse. Est-ce que Lugan voulait dire d'avoir le droit de posséder une arme et de protéger son foyer, bah là aussi, on est dans un contexte français, vous savez ce qui arrive aux personnes qui essayent de défendre leur foyer avec une arme. En général, ça se passe très très mal pour celui qui défend son bien, hein, puisque n'oubliez pas que vous êtes dans une république communiste, et que dans toute république communiste qui se respecte, le droit de propriété n'existe pas. D'accord ? Donc, les gitans, les manouches, les géorgiens, les maghrébins ont le droit de vous agresser chez vous. Voilà, vous devez avoir une réponse proportionnée, c'est-à-dire que, si Mokhtar arrive pour violer votre fille, mais qu'il n'a pas de couteau et que vous lui foutez une décharge de calibre 12, eh ben vous allez gentiment être envoyé en tôle, parce que vous êtes quand même un salaud, etc., etc. Donc, il y a des limites aussi à ça, parce qu'on est en France. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais... Hein, voilà. La réserve militaire, alors pour ma part, je pense que c'est pas une bonne idée, honnêtement. Pour les raisons qu'a dites Derek, je pense que être dans la réserve militaire aujourd'hui, c'est être déployé sur le front ukrainien demain, et si c'est pas en Ukraine, c'est en Pologne, ou aller savoir quel pays d'Europe de l'Est il faudra défendre, ou il faudrait défendre. Y compris peut-être la Turquie, qui fait partie de l'OTAN, je tiens quand même à le rappeler. Je ne sais pas, je ne suis pas du tout convaincu par ça. Je pense qu'il faut se tenir très éloigné de ces corps constitués qui servent la République française, d'accord ? Oui, voilà, tout ce qui a un drapeau bleu-blanc-rouge, il faut faire gaffe, quoi. Oui. Ah bon. Oui, parce que derrière le bleu-blanc-rouge, il y a des juifs, en fait, donc, qui ont leur propre projet et qu'ils font savoir. Donc la réserve militaire, là, tout de suite, je ne sens pas tout à fait, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, maintenant, il y a des gens qui disent « Oui, mais tu comprends, on apprend les rudiments, etc. » Oui, mais bon, quand même. Black bloc. Voilà. Bon, voilà. Devenez écolo, c'est très bien, l'écologie, putain. Voilà, et alors, on peut faire beaucoup de choses au nom de l'écologie, mais vraiment énormément de choses au nom de l'écologie. D'ailleurs, la plupart des activistes écologistes ne sont pas écologistes, le saviez-vous ? Est-ce que vous le saviez ? Ils ne sont pas écologistes du tout. C'est des communistes, c'est des marxistes, mais ils ont simplement changé de drapeau parce que, bon, la faucille et le marteau, c'est un peu moins sexy qu'il y a 100 ans, ça attire moins les gens, alors que les petits oiseaux, le truc, voilà, c'est plus, voilà, mais on peut être aussi féroce, aussi armé et casser du flic, voilà. Alors je sais que c'est pas la... Je sais que, évidemment, hein, dans le milieu nationaliste, on n'est pas particulièrement branché cassage de flics, mais à gauche ils sont assez constants là-dessus et ils ont un peu abandonné leur drapeau rouge et ils sont plus drapeau noir et drapeau vert, hein, voilà donc vous voyez, bon, réfléchissez à ça. Donc voilà pour ce commentaire. Alors j'enchaîne avec un autre message, un autre don, hein. Bonjour les démocrates, je viens de faire un petit virement de 0,033 monero souhaitant que vous l'ayez aujourd'hui bien reçu. Alors on répondra évidemment pour confirmer. Je vous écoute depuis maintenant plusieurs mois suite à une vidéo où Alain Soral expliquait qu'il y avait des éléments intéressants chez Démocratie Participative. La curiosité m'a amené à vous et je suis depuis un fidèle auditeur. Vous parlez souvent de la Bourgogne blanche. Pourriez-vous revenir sur cette proposition ? Est-ce la solution pour les Français européens de souche ? Un repli territorial ? Merci pour votre travail et c'est signé Lerche. Alors, je ne sais pas exactement à quel moment Alain Soral a parlé de DP. Il en a parlé à plusieurs reprises. En tout cas, il a fait plusieurs fois allusion à DP, en termes pas hostiles, pour autant que je sache, mais après, moi je ne suis pas tout, parce que bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de fer au feu, donc ce n'est pas toujours évident. Et donc voilà, alors malheureusement je ne peux pas m'exprimer sur le fond, parce que je ne connais pas exactement la teneur de ce qu'a dit Alain Soral, enfin s'il a parlé en bien de DP, je veux dire, avec en tout cas, certains éléments lui ont paru impertinents, bah tant mieux. Et du coup, ça a fait connaître à certaines personnes, dont notre auditeur qui nous écoute maintenant, bah c'est très bien. Et il nous pose la question, la Bourgogne blanche. Alors en fait, la Bourgogne blanche, on a été complètement entravé par le Covid. Tout simplement. Ça nous a suspendu dans le temps pendant 2 ans et demi, où tout le monde avait l'impression que c'était la fin du monde. Et on pouvait vraiment rien faire. Hein, je veux dire, c'était, et d'ailleurs, en toute sincérité, J'attends en fait le moment où ils vont remettre le couvert en réalité. Moi j'attends ce moment-là. Est-ce qu'ils vont pas nous sortir une... J'ai vu que Fauci là récemment s'est à nouveau exprimé en public où il a dit que c'était garanti à 100% qu'il y aurait une nouvelle pandémie. Bon, donc en fait on est largement tributaire. À l'époque on était tributaire de la bonne volonté des pouvoirs publics entre guillemets parce que c'était une situation inédite. Où les déplacements des gens étaient suspendus, ça accaparait de toute façon, même les gens qui étaient opposés étaient accaparés par ça, parce que les déplacements n'étaient plus du tout fluides, parce que au niveau de leur profession, ils avaient des quantités de problèmes, et quand ils voulaient, et même leur attention en elle-même était focalisée sur la question donc, de l'imposture du Covid, ne serait-ce que pour la contester. Donc en fait, on a été pris en otage pendant 2 ans et demi par toute cette affaire, et on n'a rien pu faire. Et ensuite est venue la guerre d'Ukraine. D'accord ? Donc, malheureusement, on a été coupé dans cette idée-là. Alors, il n'y a rien qui est lancé au plan actif, mais les premiers jalons avaient été présentés. Alors, de quoi s'agit-il ? D'abord, pourquoi ? Pourquoi la Bourgogne blanche ? Et il nous dit, voilà, est-ce que c'est une solution de repli, etc. Alors, l'idée centrale derrière la Bourgogne blanche est que la balkanisation de la France est aujourd'hui absolument acquise. C'est un fait. Ce qui tient encore l'État français dans le semblant d'unité qu'il a aujourd'hui est la redistribution d'argent massive aux allogènes ou aux différentes clientèles politiques qui sont accrochés aux basques de l'État-providence français. C'est la seule chose qui maintient aujourd'hui l'État français unifié. D'accord ? Et si cette manne se restreint, les tensions raciales et religieuses et sociales vont exploser. C'est absolument clair. Donc la France est dans une situation explosive, au sens le plus littéral du mot d'ailleurs. Donc actuellement, parler de séparatisme territorial, etc., paraît être à côté de la plaque, etc. Pourtant, c'est bien ce qui est déjà en train de se mettre en place aujourd'hui. Les villes sont déjà balkanisées, il y a des quartiers où on va, des quartiers où on ne va pas, donc la balkanisation invisible, elle est déjà là. Donc on sait à quelle heure on va quelque part et à quelle heure on ne va pas quelque part, donc ça rentre dans les habitudes, c'était des choses qui n'existaient pas il y a 40 ans, aujourd'hui c'est la norme, et en fait ça s'est imposé aux gens, les gens le voient, s'y sont adaptés à tel point que c'est devenu un réflexe et qu'ils ne le réalisent même pas, en fait. Mais pourtant, ça n'était pas la réalité française il y a 40 ans, et dans beaucoup d'endroits même il y a encore 30 ans. Aujourd'hui, c'est une réalité, la balkanisation est une réalité. Et toute la question autour des retraites, d'ailleurs, est assez révélatrice parce que, finalement, ce que les uns et les autres, même à gauche, ressentent confusément, c'est que c'est un des derniers éléments unifiant la France et les Français. En tout cas, ce qu'on présente comme la France et les Français. Ils sentent bien qu'il n'y a plus grand-chose pour faire tenir tout ça ensemble et que le système central de redistribution homogène est un des derniers legs et que si ça disparaît, ça sera le Far West, en substance. Hein, ça sera le Far West, et en l'occurrence, le Far West ethnique. Et alors, à gauche, je pense que la dimension ethnique leur échappe encore pour beaucoup, mais la gauche aujourd'hui c'est un tiers de l'électorat, grosso modo, quand on met tout bout à bout, enfin sauf si on dit que Macron est de gauche, etc., mais je pense que les motivations de l'électorat de Macron, essentiellement des boomers, sont très éloignées des grandes idées de la gauche, hein, elles sont essentiellement centrées sur les questions justement de retraite, hein, de maintien du niveau des pensions. Donc en fait, tout le monde sait en fait à quoi s'en tenir, c'est un grand mensonge qu'on vit aujourd'hui en France. C'est une grande illusion collective à laquelle plus personne ne croit. C'est paradoxal, mais c'est ça. C'est une illusion que tout le monde se fait, mais à laquelle personne ne croit. Et si le pognon arrête de tomber, ça va vraiment mal se passer. Donc j'en viens maintenant à la question du séparatisme territorial. Bah, il est déjà en mouvement. La question, c'est est-ce que ce séparatisme peut devenir un objet politique de salut pour les Blancs ? Et ma réponse à moi, c'est oui. Bien sûr. Parce que, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais le pouvoir, Paris a fait la France moderne, d'accord, depuis la Révolution française au moins. Mais c'est quoi Paris aujourd'hui? C'est un cloaque racial. Donc si ça, c'est la vitrine de la nation française, Paris, bah, ça nous donne une indication vers quoi on va. D'accord? Donc, si on va vers une libéralisation ethnique, quelle sera la véritable force d'entraînement de Paris? À mon avis, elle va se résorber de plus en plus. C'est le phénomène de balkanisation. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas simplement subir la tendance, il faut s'en servir. Donc ça, c'est le point de départ de ce projet donc de Bourgogne blanche, en fait, d'État séparatiste blanc. Il faudra bien que des Blancs se dotent d'un espace vital pour être les maîtres sur l'espace qu'ils se donnent. Alors évidemment, c'est une idée générique. C'est une idée générique. Mais il faut bien quand même mettre en forme, si vous voulez, ce principe de rupture. Qui, évidemment... Ben, il faut se penser hors l'État français. Quoi. C'est ça, il faut déjà faire une sécession mentale. Oui, je crois. Voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut décocardiser. Mais oui, parce que si vous voulez, au nom du maintien de l'unité de l'État français, donc de la superstructure, le réflexe aujourd'hui de la droite nationaliste française est de sacrifier l'infrastructure, à savoir le peuplement de race blanche, ce qu'on appelle les Français de souche. Donc c'est de dire, oui mais bon, les gars, il faut bien quand même qu'on compose avec les Arabes, parce qu'on va quand même pas, hein, voilà, il faut quand même garder l'État français, le truc, le machin. C'est le discours du Front National. Pourquoi le Front National nous parle d'assimilation, etc. C'est par peur, d'abord, de la balkanisation, et de la perte de l'État unifié français. Donc pour eux, le plus important au Front National, chez Zemmour, Zemmour c'est un peu plus nuancé, parce qu'il parle quand même de réalité ethno-raciale, on va dire de dynamique ethno-raciale, mais il y a quand même beaucoup d'ambiguïté malgré tout. Les souverainistes d'une manière générale, bon là, c'est encore plus caricatural si on va chez Asselineau, etc., parce que lui, alors là, il n'y a carrément pas de dimension raciale, il n'y a que la superstructure. Bon, mais c'est normal, c'est un énarque. C'est un administrateur de l'État, donc lui, il vit pour l'État français, si vous voulez, d'accord, il vit pour des couloirs de bureau. Vous voyez, bon, bah, on a l'imaginaire qu'on peut, quoi. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai un autre imaginaire. Je pense que d'autres ont un autre imaginaire, et ce qui nous intéresse, c'est de sauvegarder la substance ou ce qui peut l'être. Donc, on part de la base, on part de la substance, et la superstructure ou l'État, c'est vrai, doit être à l'image de la substance. Mais je ne crois pas du tout que l'État français puisse se maintenir en l'État. Ça, c'est, dans mon esprit, c'est absolument clair. D'accord ? Il n'y aura pas de grand soir, on va reprendre la tête de l'État, et puis on va faire une grande politique vous voyez, de remigration. Ça ne va pas du tout se passer comme ça, selon moi. Parce que on est en bout de course du jacobinisme révolutionnaire, du cycle des droits de l'homme, de l'égalité, etc. Et là, cet appareil d'État a été conçu par ça. Donc vous n'allez pas le recomposer comme ça après des siècles de sédimentation. C'est un mensonge, c'est faux. Ça ne se passera pas comme ça. D'accord ? Donc moi, je pense au contraire qu'il faut utiliser les forces de désagrégation pour s'en servir, n'est-ce pas ? Alors c'est une, évidemment une perspective qui est complètement différente de ce que nous vend en fait la réaction qui nous dit « reprenons notre État, redevenons les maîtres, etc. » Oui, et puis... Je vous rappelle que la France est une démocratie, que sa politique est déterminée par une masse agrégée à un moment donné lors d'un suffrage, et que cette monarchie républicaine décide de tout depuis l'Élysée. Donc il suffit d'un démagogue qui s'est caressé dans le sens du poil les allogènes et les possédants pour disposer de des corps constitués français. Donc, on peut continuer à soupirer derrière ça, mais moi je n'y crois pas un instant. Je veux dire. Donc, on ne pourra pas, si vous voulez, faire l'économie d'une confrontation ethnique ou ethno-territoriale. Ça me paraît impossible, c'est illusoire. Après, je ne dis pas que tous ces halogènes, etc., sont des surhommes qu'on peut pas du tout. Au contraire, ce sont des blattes. D'accord, l'homme blanc les domine de 15 têtes, mais à une condition. C'est qu'il ait conscience de lui-même et qu'il se mette en ordre de marche. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'il y a la culpabilité blanche qui est entretenue par la gauche, dissolvante. Donc c'est tout le problème, si vous voulez. Donc c'est une question qui est très large, mais moi je pense qu'il faut soutenir le séparatisme territorial absolument, que cet État centralisé est une catastrophe raciale absolue qui, tant qu'elle tiendra debout, ne fera que pourrir jusqu'au dernier centimètre carré du territoire français, c'est absolument certain. Le cas du château de Varay dans l'Ain le démontre. Hein, voilà. C'est... Alors, je ne dis pas que tout s'explique par ça non plus. Hein, je ne dis pas que c'est parce qu'il y a un État centralisé en France que l'immigration a lieu. Hein, d'accord, bon, on va en Angleterre, en Allemagne, c'est des systèmes fédéraux, il y a de l'immigration, ok, du grand remplacement aussi. Mais le système français est indubitablement extrêmement puissant. Un préfet décide de quelque chose, il n'y a personne pour s'y opposer. Donc, il vous met des nègres dans votre village, et c'est amen, quoi. Hein, y a, voilà, donc, avec une structure pyramidale comme ça... si la tête décide de remplacer à outrance, et nous avons, et aussi, parce que, et j'en termine, je donne la parole à Derek après, mais après, il y a le temps. C'est-à-dire que vous avez une bascule démographique qui est en cours, tout le monde a à peu près une idée de l'échéance de temps qui nous reste, c'est-à-dire on est en 2023, bon, il reste 30 ans, et ça c'est pour la majorité absolue de blancs en France, pour perdre la majorité de blancs. Ce qui veut dire, dans les classes d'âge inférieures, je le dis souvent, que la bascule aura eu lieu avant, peut-être dans 15 ans ou dans 20 ans. Donc, et je ne parle pas des régions ou des départements. Donc la bascule aura, elle doit être nuancée. Il y a des départements, ça va se passer avant, d'autres, ça se passera après, etc. Mais on a une idée générale. Donc, vous avez cet État centralisé qui déploie cette machine, cette machine-là. Donc, tant qu'il tient debout, il va continuer à déployer. Si demain, vous avez des blocs blancs qui font sécession d'avec cet État centralisé, vous paralysez la machine. Et c'est aussi vrai au plan fiscal, etc. C'est-à-dire que s'il y avait des forces qui décident de s'emparer de toute, d'une partie du territoire français ou de plusieurs, et de se créer en pouvoir indépendant, d'accord, sur le modèle yougoslave, etc., c'est fini. C'est fini. La machine parisienne ne peut plus dérouler son plan diabolique. Vous voyez ? Donc ça, c'est notre réalité. Tant que ce truc avance, ça continuera. Tant que l'État français pourra lever des fonds internationalement, ça continuera. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc voilà. Alors en pratique, sur le côté pratique de la Bourgogne blanche, j'ai des idées, mais que je n'aimerais pas déployer ici devant un public qui n'est pas nécessairement amical. Et donc je m'en réserve, je veux dire, pour le moment, l'exclusivité, mais j'ai des idées très arrêtées là-dessus, y compris opérationnelles. Mais d'ailleurs, la Bourgogne blanche ne se limite pas à la Bourgogne blanche, hein, vous le savez. Hein, ça intègre aussi une partie de la Belgique, en théorie. La Belgique, dont je ne crois pas qu'elle vive très longtemps, comme État centralisé non plus. Bon, voilà, donc, voilà. Mais je crois absolument au séparatisme territorial qui doit être, à mon avis, une planche de salut. Voilà. Et si on me demande à quoi ça peut ressembler, ben, je vous dirais ça. Je vous dirais le Liban ou la Yougoslavie. Si ça se passe bien, c'est la Yougoslavie. Si ça se passe mal, c'est le Liban. C'est-à-dire le Liban, si vous voulez, c'est la Yougoslavie, sauf que ça ne se termine jamais. Ok ? C'est-à-dire qu'on vous maintient de force dans une même structure administrative, mais qui n'existe pas en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'État libanais, il n'y a pas de gouvernement libanais, il n'y a pas de Parlement libanais, il y en a un, mais en fait, qui ne sert à rien. Et c'est une fiction. Donc, en pratique, au quotidien, vous vivez dans le même pays que vos pires ennemis, mais vous n'avez pas pu faire la rupture. La Yougoslavie, bon, ils ont abrégé leur souffrance et chacun a pris ses billes et s'est créé son État. Ce qui a quand même permis de soulager... En partie. Ça, oui, parce qu'il y a encore ici ou là des tensions à cause de problèmes à régler. Mais voilà. Alors, vraiment, le pire du pire en France, ce serait qu'on se tape le Brésil, l'Afrique du Sud et le Liban. Mais tout ça en même temps dans le même pays. Alors là, c'est sûr, là, c'est l'agonie pour toujours. Hein. Bon, là, vraiment, au secours. C'est-à-dire que c'est Papendia ministre. Ça se fera de toute manière plutôt dans ce sens-là, à mon avis. Hein. Ça sera le babouina qui va s'ériger de lui-même plutôt qu'une. Il y aura peut-être un séparatisme marron. Quoi, si Je veux dire, il faut endiguer la machine, et la seule alternative qui me paraît moins crédible, et d'ailleurs, sur ce chemin-là, on peut avoir des surprises, c'est-à-dire que si demain le RN prend le pouvoir en France, 2027, j'y crois pas, mais bon, imaginons, Marine Le Pen à l'Elysée, elle va découvrir quoi ? Qu'elle contrôle rien. C'est-à-dire que du jour au lendemain, l'administration refuse d'obéir, il y aura du sabotage de partout, vous aurez la totalité des villes de France, parce que le RN n'a pas de ville, ne l'oubliez pas. Toutes les grandes villes françaises refuseront d'obéir. Donc, non, mais même, enfin, si tu veux, au niveau non, mais du budget... Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça précipiterait la désarticulation de l'État. C'est ça qui se passerait. Ou alors elle ferait pareil que les autres, parce qu'en fait, elle veut quand même faire continuer la machine, donc pour faire continuer la machine, elle ferait pareil. Quoi. C'est comme ça. Le système pour continuer doit être de plus en plus... brutal et dur envers tout le monde, d'où les taxes carbone, c'est-à-dire les taxes entre guillemets. On a le carburant qui a un prix, des prix élevés, parce qu'il y a le prix du marché, mais le prix du Brent, mais c'est les taxes. Hein. Ce niveau de prix-là de pétrole, ça a déjà existé, mais on n'avait pas le coût de l'énergie pour tous qui était le même. Hein. C'était beaucoup moins. L'État a besoin de prendre partout. Pour manger, hein, pour faire tourner la machine, et de deux, parce que quand les gens sont comme ça pris à la gorge, ils ne bougent plus. Hein, c'est que comme la partie Covid, on les a figés à la partie Covid, et juste après la phase maintenant de guerre en Ukraine et puis crise énergétique, oui, c'est sûr, quand on arrête les centrales, effectivement, et qu'on décide de payer l'électricité produite par le nucléaire au prix du... Enfin bon, bref, hein, vous connaissez tout ça, le marché européen de l'énergie. On met un prix artificiellement haut de l'énergie. L'État a du pognon pour alimenter ses clientèles. Et vous êtes pris à la gorge. Et de temps en temps, vous filez un petit chèque, un chèque énergie ou un truc comme ça. Vous devez avoir accomplir votre rite d'aller mendier auprès de l'État pour qu'il vous donne une pièce, une petite pièce. Après, vous avoir fait les poches. Ça, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on conditionne le goy. Quoi, hein. Ouais, la soumission. La soumission. Donc, ça va être très difficile d'avoir quelque chose qui se lève, qui s'érige. Sauf si la machine à cash est soudain suspendu, tu vois ce que je veux dire, les niveaux de contraintes, niveaux de pression qui sont mis sur tout le monde, sur la société, sur les Français, sont tels que ils correspondent aux attentes, c'est-à-dire on a besoin de ça, donc on va mettre telle pression le coup. Tout ce enfin pour moi en tout cas, vu en analysant tout ça depuis le Covid et maintenant effectivement la guerre, etc., j'entends bien, hein, mais ça leur profite beaucoup, hein. C'est la taxe carbone, ils avaient essayé, ça passait pas, hein, à l'époque. Avec la guerre, c'est plus facile, hein, ça justifie tout. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ça, taxe carbone égale tu ne bouges plus, hein. On te prive d'énergie, donc tu c'est la loi de la physique. C'est ce qu'avait prévu Hollande. Hein. Hollande, il avait prévu une taxe progressive qui devait monter jusqu'en 2030. Voilà. Et quand tu regardais ce que ça préfigurait, c'est grosso modo la voiture privée, ça se transformait en privilège. Hein. C'était c'est ça. C'est ça. Ça a été stoppé à cause des gilets jaunes. C'est ça. Mais donc, première partie Covid, on vous habitue à on vous séquestre, hein, hein, vous êtes séquestré pendant un moment, on vous relâche, mais on vous met des prix de l'énergie bien, bien haut. Bon, déjà, vous êtes plus séquestré, donc ça va à peu près. Voilà, ben, tu es mort, tu t'es fait baiser, hein, comme ça, c'est quand tu penses comme ça. Et c'est voilà, hein, on a des prix qui sont bien plus hauts que ce qu'il y avait à l'époque du Gilles, mais ça passe relativement bien, quoi. Ça passe relativement bien. Pour en venir à Marine Le Pen, si elle venait au pouvoir, moi c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que oui, elle deviendrait une force conservatrice du régime parce qu'elle serait en charge du régime, donc elle essaierait d'éviter elle voudrait maintenir ce système qui ne peut plus être maintenu. Donc elle devrait s'assurer que les gens qui la détestent le plus continuent à bien vivre, à savoir... Donc, elle devrait faire exactement pareil. Voilà, mais tout en étant détestée, quoi qu'il arrive. C'est ça oui, oui, bah oui. Voilà. Donc, si son électorat réaliserait qu'il n'y a pas de grand soir, il n'y a pas de grande inversion, il n'y a pas de solution miracle, suivi pas de deux ou trois lois, et tout d'un coup, les Arabes disparaissent des rues. Non, vous aurez les mêmes migrants clandestins au coin des rues. Vous aurez, ben, tout ça continuera, ça sera le foutoir. La presse de gauche se déchaînera, Mediapart, le monde a le moindre incident, etc. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais le moindre truc, ça sera une police fasciste, etc. Donc la polarisation continuera, et ce qui veut dire que Marine Le Pen elle sera à l'Élysée, elle aura quelques préfets qui voudront bien filer doux pour certains qui saboteront très largement les rares mesures qu'elle voudrait prendre. Elle essaierait d'apaiser tout le monde, et en fait, les gens identifieraient à raison ça pour de la faiblesse. La gauche, les réseaux maçonniques, financiers, tout ce qu'on veut, seraient en mouvement, dire, vous avez vu, on va la crever, etc. Et en fait, la désagrégation s'accélérerait puissamment, en fait. Donc, et là, en fait, ses partisans et tous ceux qui auraient cru à la solution démocratique et électorale, ils réaliseront que non, on peut pas avoir une révolution par procuration en mettant un petit bulletin dans les urnes et en rentrant chez soi. Ça marche pas comme ça. D'accord. Non, c'est beaucoup plus exigeant. Mais on aurait sur les bras une désagrégation beaucoup plus marquée. Parce que du coup... On aurait une masse de gens désespérés de la solution politique. C'est vrai que ça serait bien, de part et d'autre, parce que tu aurais oui. des oui, villes... Oui, de part et d'autre. Tu aurais des villes qui quasiment se constitueraient en soviète. Ok. Donc à Rennes, à Nantes, non, mais ça se passera comme je ça. Sais. Sous les yeux bienveillants. Là, mais c'est marrant, mais sous les yeux bienveillants d'un préfet qui de toute façon est au Grand Orient depuis qu'il a quitté l'ENA. Bon, donc de toute façon, ces mecs-là, ils diront oui, je vous comprends, voilà. Donc ils appliqueront pas, et voilà. Et donc tu auras des soviets, comment dirais-je, de bobos. Craspec avec des migrants, des islamistes, enfin des trucs absolument abominables. À côté de ça, bah, tu auras des petits blancs qui seront livrés à eux-mêmes, ils réaliseront que l'État français est complètement en train de se casser la gueule, que c'est le chaos, et ils diront mais qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est là que la force séparatiste va rentrer en mouvement, d'accord ? Mais il ne faut pas attendre que ça arrive pour commencer à réfléchir. Il faut avoir nos solutions, vous voyez ? La classe politique française est extrêmement faible. La police française a son tonfa pour taper sur la gueule des opposants. Je parle des opposants, bien évidemment, nationalistes, je ne parle pas des crasseux de gauche. Mais bien sûr, ils peuvent ennuyer, mais ils peuvent pas empêcher l'histoire de faire son office. Vous voyez ? Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Donc il ne faut pas attendre que ça se produise. Il ne faut pas attendre que ça se produise. Il ne faut pas croire aux élections. Je sais que c'est... bizarrement assez impopulaire comme position, mais c'est une fiction. Et je rappelle d'ailleurs, et j'en termine sur ce point-là, que à tous les scrutins désormais, à l'exception de l'élection présidentielle, les abstentionnistes sont majoritaires désormais. Oui, et puis maintenant, le pouvoir n'arrive même plus à dégager une majorité claire. C'est vrai que c'est là l'Assemblée, on va voir comment ça se passe. Mais c'est bien. Que la 5e République, tu n'arrives plus à dégager une majorité claire juste après avoir élu le président, c'est signe que ça commence à tanguer là, l'histoire. Bah, hein. Elle est en train de crever. Non, mais voilà, Chirac, oui. Chirac a réussi. Mais le Front National veut sauver, enfin le Rassemblement National. Ah oui, non, mais imaginez ça, parce qu'il faut s'arrêter à ça là-dessus quand même, sur ce point quand même. C'est-à-dire que Chirac contre Le Pen en 2002. Il rassemble 62% du corps électoral réel. Que quand vous enlevez les bulletins blancs, les abstentionnistes, etc., Chirac a rassemblé 62% du corps électoral. Donc il avait une vraie majorité. Alors, c'était le front antifasciste, donc évidemment c'était avec les voix de la gauche. Mais il avait sa majorité pour lui. C'est-à-dire que le régime avait la majorité pour lui. En 2017, Macron, qui se retrouve dans le même cas de figure contre Marine Le Pen, n'a déjà plus la majorité du corps électoral. Il l'a plus. Quand vous faites la totalité, non seulement des électeurs du Front National, des abstentionnistes, des votes blancs, il l'a déjà plus. En 2022, c'était encore plus prononcé. Il n'avait plus qu'une majorité relative du corps électoral. Je crois qu'on était aux alentours de 42 ou 43% du corps électoral réel. Alors oui, il a le plus gros bloc, mais il est minoritaire. Donc c'est pour ça que le système est condamné à devenir de plus en plus autoritaire. Ceci étant dit, Marine Le Pen n'a pas 60% du corps électoral pour elle réel, je veux dire. Hein, elle a sa petite part qui est inférieure à Macron. Donc, s'imaginer que Marine Le Pen aurait une majorité du corps électoral contre les autres, c'est faux. Ça n'aura pas lieu. Marine Le Pen sera aussi, même si elle gagnait techniquement les élections, si vous voulez, en 2027, voilà, elle serait minoritaire dans le corps électoral. Elle serait minoritaire. Et très minoritaire. Vous aurez énormément d'abstentionnistes ou de partisans des autres. Donc, en fait, il n'y a plus de majorité. Donc, en fait, la machine est en train de tanguer de partout. Comme elle tangue, la bourgeoisie en place exige de l'appareil d'État qu'ils prennent le relais de ce que ne peuvent plus susciter les partis politiques, c'est-à-dire un consensus sur leur projet. Et sauf qu'au bout d'un moment, ça craque, parce que, d'abord, au bout d'un moment, la police, ils disent, bon, attendez, on peut contenir, mais on ne peut pas se substituer à la direction politique du pays, c'était impossible. Et voilà à peu près dans le moment dans lequel on se trouve. Donc, et quand ça va craquer, là, vous avez ce territoire complètement balkanisé qui va exploser. Et vous ne pouvez pas le récupérer derrière. Après, ils disent pas, ouais, on se reprend et puis on repart. Non, parce que vous n'avez plus de majorité démographique. D'ailleurs, c'est très différent de ce qui s'est passé, par exemple, en Russie lors de la révolution bolchevique, où vous avez un peuplement unique qui appartient à la même sphère culturelle, mais qui est divisé politiquement. Donc ça peut s'entendre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une reconquête politique et ensuite essayer de créer un consensus sur ce... Là, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont rédhibitoirement et génétiquement incompatibles. Ces gens-là ne seront jamais proches de vous. Ça, c'est pour parler des allogènes. Sauf qu'ils deviennent tellement nombreux que voilà. Donc, en fait, si vous voulez, c'est génétique et territorial, c'est un fossé qui ne peut pas être dépassé. Contrairement à tout ce que racontent aujourd'hui les partis politiques et les institutions. Plus le temps passe, plus ça s'aggrave, et au bout d'un moment, l'organisation centrale va craquer. Et là, il va falloir savoir où chacun se situe. Ouais, voilà, c'est ça la différence. Voilà. Donc, je suis un peu long, mais c'est pour bien expliquer à la fois la situation et pourquoi je crois que c'est pertinent, pourquoi il faut s'y préparer, et je crois que ça viendra plus vite que ce qu'on pense, hein, à mon sens. Bon, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et qui vont... Mais souvent, ça va très vite. Hein, c'est-à-dire que quand la machine commence... Il y a des signes. C'est comme le tsarisme en Russie. Hein, je veux dire, bon, 1905, la révolution, la tentative de révolution, bon, c'était déjà un signal fort. Bon, mais bon, voilà, le système arrive à se maintenir, etc. Puis arrive une guerre. Et là, le système se fracasse, quoi. Je pense que ça va à peu près la même chose, et je crois que la guerre en Ukraine qui va s'élargir va largement précipiter la catastrophe. Ouais. Donc il faut être prêt, voilà ce que je veux dire. On va passer au point suivant. Faire une petite annonce avant d'attaquer l'émission. Alors, annonce nationaliste, bonjour à toute l'équipe. La rédaction de Belgica News a produit son premier podcast pour pointer du doigt les mouvements de droite radicale démocratique, en particulier le mouvement belge Chez Nous, qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. Je ne connais pas ce parti, à vrai dire. Les petits bourgeois antiracistes qui se prétendent être le parangon de la radicalité tout en affirmant vouloir sauver la démocratie, cela nous horripile, dit Belgica News, qui nous adresse donc ce message. La révolution sera fasciste ou ne sera pas. Pourriez-vous faire la promotion de notre podcast, soit en relais d'articles, soit à l'antenne? Merci et bonne continuation. Oui, bien sûr, bien évidemment. J'invite et nous invitons nos auditeurs qui sont intéressés par les affaires belges, qui sont belges eux-mêmes, à se reporter donc au site de Belgica News, dont je donne l'adresse tout simplement. Hein, Belgicanews, Belgica News.com et reportez-vous à leur podcast et je vous souhaite une bonne écoute, bien évidemment. Vous aurez une discussion sur cette question-là. Bah, je présume que, parce que là, ce sont des camarades francophones qui nous écrivent, donc j'imagine que ça se passe essentiellement en Wallonie. Si tel est le cas, bah, ils sont un peu en... La Wallonie est un état en voie de bolchevisation finale, je veux dire. Ils ont subi le Parti Socialiste pendant un siècle. et la corruption socialiste. Et maintenant, le Parti socialiste, qui est considéré comme trop modéré, se fait dévorer vif par le parti du travail de Belgique, alors qui est une organisation marxiste-léniniste, c'est-à-dire une organisation stalinienne pure et dure, qui a été fondée par Ludo Martens. Alors là, c'est vraiment, on est en 1923 en Russie, ok, c'est ça la formation des cadres du Parti du Travail de Belgique. Donc en dessous de la collectivisation, rien n'est possible, hein, sachez-le. Donc j'imagine que dans ce contexte-là, nos pauvres camarades wallons n'en peuvent plus, ils savent pas quoi faire parce qu'ils ont pas de mouvement nationaliste qui parvient véritablement à émerger. Et là, de ce que je vois, mais là je m'avance peut-être un peu trop, mais c'est ce qu'ils nous disent, bon, il y a un truc qui émerge, voilà, plus ou moins populeux, plus ou moins anti-système, là, voilà, mais pas trop quand même, parce que hein, la démocratie, les élections, etc. Donc, nous en France, on connaît ça parfaitement, puisque bon, les partis démocratiques de droite, machin, bon, on ne sait plus qu'en foutre, hein, je veux dire, on en secoue un, il y en a 10 qui tombent, c'est ça, quoi. Le dernier étant Zemmour, hein. Je veux dire, là, c'est carrément les Juifs. Bon, là, le couple, hein. Zemmour, Knafo. Bon, voilà. Derek, éventuellement, je sais pas. Bon, je sais que t'es pas versé dans les affaires belges, mais éventuellement. Ah oui, je suis totalement étranger, malheureusement. Ouais. À la politique belge, je m'intéresse plus à l'Ouganda récemment. Oui, je sais, oui. Bah écoutez, en Belgique, il n'y a qu'une solution, hein, c'est le rexisme. C'est pas la peine de chercher midi à 14h, voilà, bon, vous avez un chef historique, c'est De Grel. Il a proposé une formule politique innovante dans les années 20, les années 30. Ça a raté, mais qui était très en pointe, en Wallonie, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, hein. C'est sur ce genre de base-là qu'il faut commencer à réfléchir. Est-ce que la Belgique, comme État unifié, va se maintenir? Moi, je pense pas, mais bon, c'est les Belges qui en décideront. Mais il faut pas perdre son temps avec des formations. Voilà, alors après, on va me dire, oui, mais rends-toi compte, l'état du pays, l'état des gens... on peut pas y aller aussi fort, etc. Bah oui, mais bon, à force de tergiverser... Si. Mais voilà, je veux dire, qu'est-ce que vous avez à perdre? De toute façon, on part pas du principe qu'on va être majoritaire, n'est-ce pas? C'est pas notre philosophie. Donc, Mussolini a pas fonctionné sur ce rythme-là, hein. Je veux dire, Mussolini, il a pris le pouvoir, il n'était pas majoritaire. Faut pas l'oublier, hein. Il a fait son coup de... C'était un homme extraordinaire. Ouais, même... Il a construit un mouvement à partir de rien. Il faisait des meetings dans les villes les plus rouges. C'était extraordinairement violent. Il y avait des meurtres tout le temps. C'était hallucinant. Je veux dire, il faut bien voir ce que c'était. Je veux dire, il c'était un homme d'action. Il est allé de l'avant. Il est allé dans les villes. Il a créé son mouvement à partir de rien. Il a pas dit, les gars, on va aller aux élections. Et puis ils ont participé à des élections. Mais je veux dire, Mussolini s'est pas dit, on va faire la majorité et ensuite on va gouverner. Non. Il a foncé dans le tas et là, l'histoire lui a donné raison, avant malheureusement que ensuite l'Amérique et les Soviétiques interviennent, ça c'est autre chose. Mais je vous invite à regarder comment il a monté. Ils ont pris le pouvoir en 2 ans, les fascistes. Donc, cogiter, hein. Je dis pas qu'on peut répliquer un exercice comme ça, mais c'était... C'est pas à l'époque. En disant... La technologie, ça fait que... Non, ce qui fait vraiment, c'est les grands événements géopolitiques. C'est-à-dire que l'Italie est sortie de la première... Ils avaient changé de camp, c'est-à-dire qu'ils étaient d'abord... Oui. Voilà, donc il y a une énorme frustration parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Donc, y avait un peu ce sentiment diffus en Italie d'être du côté des vainqueurs et des vaincus en même temps. Et donc il y avait une espèce d'humiliation nationale, et il y avait le bolchevisme, qui est une espèce d'énorme phénomène politique qui a surgi en 1918 en Russie, qui a immédiatement enflammé toute l'Europe. Il y avait des communistes partout en Italie, donc tout était remis en question. Et donc Mussolini a pris le taureau par les cornes, et il est arrivé avec une formule, et il a foncé dans le tas, et il a pris le pouvoir. Alors, au début, il a gouverné un peu en louvoyant, hein, les premières années au pouvoir. Hein, il a été prudent, il a sécurisé sa place. Mais je veux dire, voilà, il a foncé dans le tas. Mais ça, c'est dans les grands événements géopolitiques. Et ben, moi, je vais vous dire, cette histoire de guerre en Ukraine, qui, à mon avis, va s'élargir et qui a un caractère systémique, quand ça va se transformer en catastrophe totale pour les démocraties et que ça va être la déréliction généralisée avec tous les problèmes raciaux et sociaux et financiers qu'on a, c'est là que les potentialités vont apparaître, exactement comme en Italie à ce moment-là. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que ça se passe. Vous voyez ? Donc, si on est là, une petite formule démocratique et truc, machin, et puis je vais faire mon... Là, comme le Frexit... C'est dérisoire, ça. Je veux dire, c'est pas le sujet. Je veux dire, d'accord. On parle de la survie physique des peuples blancs en Europe aujourd'hui. D'accord. C'est de ça qu'il est question. Donc, il faut pas venir avec des demi-solutions des narcs homosexuels. Évidemment, je pense à Asseline. Donc, voilà. Il faut changer de braquet. Il faut avoir une autre idée, d'autres solutions. Et voilà. Arrêtez de regarder pas les Bourbons comme ça. je sais pas ce qu'ils ont avec ça, mais. Mais quand tu vas dans le Bastring, t'as vu ce que c'est le Bastring maintenant là-bas ? De quoi ? Le Palais Bourbon. T'as vu à quoi ça ressemble maintenant ? Ah oui, bah oui, bah avec Louis Boyard là. C'est... Bah, Boyard, les nègres, les bicots, les nègres, ouais. les homosexuels partout, etc. Les bonnes femmes, on oublie ça trop souvent. Ah tiens, en parlant de, j'en profite. Non mais je veux dire, je te donne la parole, mais je veux dire, bon. La démocratie en action, vous l'avez sous les yeux, c'est le Palais Bourbon. Vous croyez encore à ce truc ? Mais il faut arrêter, les gars. Je veux dire, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les élections, la démocratie. Il faut arrêter avec ça. Il faut en finir. Il faut en finir. C'est plus possible. Si vous voulez voir... Regardez le Palais Bourbon, c'est ça la démocratie. Ouais, mais même le Palais Bourbon, c'est déjà un truc. Mais le pire, je pense, c'est quand même le gouvernement. Hein, le gouvernement que... Là, celui-ci, hein. J'ai vu là que nouvelle hein, dans le gouvernement français il y a maintenant une femme homosexuelle arabe au gouvernement. Voilà, c'est faut le savoir. Laquelle ? Parce qu'il y a plusieurs arabes au gouvernement. Hein. Attends, je sais plus. Putain. Est-ce que c'est la libanaise du ministère de la culture ? Je crois. Ou alors c'est un truc comme ça. La secrétaire d'État à l'égalité ou je ne sais plus quoi. Enfin, au communisme. Je veux dire. Non, tu sais pas. Rima Abdul. Non, c'est pas. Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Putain, c'est pas vrai. On s'y perd, ils ont des noms à coucher dehors en plus. Donc... Oui, non. Rima Abdul, c'est celle qui a une tête de. D'arabe. Oui, qui. Non. Non, je la confonds avec Léa Salamé. Tu vois ? Bah oui, on les avait découvertes les deux en même temps. Enfin, pas les deux en même temps, mais elles étaient. Ah oui, voilà. Sarah El Haïry. Ah oui, bah c'est la secrétaire d'État à quoi ? À la citoyenneté, je crois. À la jeunesse au service national. D'accord. Ouais. Oui. Pour, bah, voilà. Ouais. Donc, allez, lesbienne. Ah oui, d'où ça, voilà, d'où ça très grande peur de l'islamisme alors du coup. Ouais, c'est ça. Ils les choisissent bien, la République, elle les choisit bien, ces Arabes. Hein. Mais c'est un truc de... Enfin, je... Entre Borne... Stein, Clément Beaune... Ah, il y a Clément Beaune, ouais. Mais il n'est plus au gouvernement. Ouais, non, je crois qu'il n'est plus au gouvernement. Ah, ouais. Ah bon, d'accord. Ils l'ont recasé au transport, je crois. D'accord. Et il n'y a plus non plus Riester, il n'y a plus où je sais plus. Bah non, puisque la culture, c'est alors, non. Il y a du SOPT. Il est pédé, lui. Ah ouais, c'est sorti. Bah attends, lui, si tu veux, quand tu le vois, tu sens qu'il est, il prend, il, je sais pas, il va faire sa transition. Quoi. Il veut faire du cabaret, quoi. Ouais. Tu sens qu'il a envie de prendre une voiture après trois jours de chemsex. Oui. Je pense que il a dû faire des, oui, il a dû connaître Pierre Palmade. Mais donc du SOPT. Il y a sur le Attal. Hein, c'est cumulatif, lui. Hein. Lui, c'est le, ouais, bah, ouais, c'est le drapeau LGBT vivant, lui. C'est... Ouais, ouais, bah ouais, lui, c'est le complot juif en à la mort. Quoi. C'est le complot judéo-fidaïque. Mais c'est impressionnant de voir. Donc, en plus, donc là. Des juifs, des métèques et des PD. Non, mais la lesbienne, rendez-vous compte, c'est la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service, bon, service social, mais surtout la jeunesse. Je trouve ça très bien. Mais c'est très bien que la jeunesse soit plus. Très, très bien. Il y aura peut-être, il y aura certainement des histoires racontées par des travestis, hein, comment ça s'appelle, j'ai vu ça, hein, ça arrive, des drag queens. Ça arrive. Dans les écoles, ah oui. Ouais, bah, Papa Ndiaye, il y a encore une autre créature qui est mariée, tu le sais ça. Oui, à la petite fille, Mangin Lazare. Mangin Lazare. Lazarus. Oui, bon. Donc en fait c'est la descendante du négrificateur Mangin. Oui. Mais avec du judaïsme en plus. Du juif. Voilà, ouais. C'est mieux quand même. Donc maintenant du nègre. Voilà. Il y a une. Bah, j'ai envie de dire la destinée génétique de Mangin est complètement accomplie là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire tout est là. Tout est là. Et alors lui, le mulâtre Ndiaye, son gros truc, il y revient constamment. Lui, il appelle ça, c'est l'éducation sexuelle des enfants, des élèves. Oui, bah oui. Et bah, ça revient constamment. Mais quand même, il faut un truc, machin, voilà. Et donc, apparemment, mais il revient, je veux dire, il est sur Twitter, etc. Ils font ça. Ouais, bah, alors, ils savent pas compter, ils savent même pas écrire français, mais par contre, ils vont savoir s'enculer. Hein, ça, là, si tu. Ouais, voilà. J'allais te dire, là, c'est quand même. C'est bien si vous êtes, faut voir toujours le côté positif des choses, mais si vous êtes dans un coin où votre gamin est dans un environnement relativement arabisé, il y aura des problèmes, d'accord, mais ce genre de truc, ça devrait quand même lui être épargné. Parce que, les profs tiennent à leur tête. Tu veux dire par là que si le public est majoritairement maghrébin ou musulman une classe, les professeurs font preuve d'un peu plus de pudeur, de peur de perdre leur tête. Je pense. Donc la terreur islamique aurait-elle des vertus? Ah bah certainement. Donc en France, quand on veut voir un peu les choses positivement, on se félicite que les profs trempent devant les djihadistes. On les voit, oui, on peut plus parler d'un choix, putain. Moi je suis là, ouais, c'est plutôt bien, ouais. Si vous voulez être tranquille, dites à votre gamin de dire à l'école que mon père est imam. Voilà, c'est pas de problème, il n'y a pas de... Tu me dis ça, tiens, je suis tombé sur une vidéo Twitter et j'ai trouvé ça super. C'était un imam et tout, il était en train de prêcher, quoi. Et il était là, rendez-vous compte, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats allemands, ils étaient dans une position difficile, dans tel endroit du front, etc. Et le dirigeant de l'Allemagne, Adolf Hitler... leur a envoyé un message en leur disant « Soyez comme Hussein qui a résisté contre... les... » وقال هتلر زعيم المسلحة الألمان يوم خسرت إحدى طوائف قلاعه من قبل الجيش الروسي وأرسلوا إلى هتلر في القيادة المركزية بأن الحصار قد وقع علينا فأمدنا بالمدد قال تأسوا بالحسين وأهل بيتي وأصحابه إنهم ثبتوا يوم ذاك التاريخ فاثبتوا إلى الروس وفعلا ثبتت ثكلة الألمان فانتصرت باسم الحسين بن علي بن أبي طالب. Tu sais, l'imam il termine en disant évidemment Hussein a gagné la bataille, il dit, et les soldats allemands ont tenu tête, etc. Moi j'étais là, voilà. Alors il y a des jonctions qui peuvent être faites, en environnement islamique, il faut profiter de intersectionnalité de droite. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut comprendre ce qui se passe, il faut comprendre qui a peur de quoi, différencier le nous de l'autre, bien sûr. Mais savoir utiliser le poser des mines. Comment dire Ouais, voilà, exactement. Savoir utiliser l'autre comme une arme, hein, comme arme à destination du prof, par exemple. Un arabe, une classe d'arabe peut être un groupe d'arabes dans une classe peut être voilà, peut être orienté pour servir de voilà, comme la division Anchar. Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. C'est comme, voilà. La division SS albanaise, exactement. Il faut discuter. Non, j'aime pas ça. C'est ce qu'il faut. Voilà, si vous avez des gamins qui sont à la classe, vous discutez. Il faut prendre quand même connaissance avec les gens qui sont là. S'il se trouve qu'il y a des Arabes grégaires qui se trouvent là, mettez-les en garde contre le SIDA, quoi. Bien sûr. Et puis bon, eux, je pense, voilà. Attention, là, vous voyez, la professeure, cette femme, elle a les cheveux courts. Non, mais les Arabes, attention, il m'est d'avis qu'elle pourrait très rapidement vouloir informer les enfants qu'ils peuvent prendre des médicaments pour changer de sexe. Hein, c'est bloqueurs hormonaux. Voilà, c'est à surveiller. Et donc, voilà, Samuel Paty. Après, ça peut aller très vite. Tu vois, parce que ces gens-là, bon, on le verbe assez facile. Et donc, s'ils sont alertés, il n'y a pas que le verbe. Hein. Vous avez, oui, bonjour madame, vous avez les cheveux courts, mais il ne faut pas dire... Il ne faut pas dire qu'on peut être homosexuel, hein. Attention, hein. Sinon la tête, quick, la tête, elle va rouler. Hein. J'ai vu des trucs comme ça au Royaume-Uni, dans des zones pakistanaises, donc il y avait des profs, ils étaient alors des fous en fait, c'est des croisés de l'anus en fait. Oui, c'est pareil. Ils veulent recruter, quoi. C'est un peu l'équivalent du djihadisme, mais version PD. C'est-à-dire que les mecs, ils sont prêts au sacrifice ultime, tu vois, à mourir en martyr pour l'anus, quoi. Ah ben moi, je veux voir ce que ça donne en Ouganda. C'est carrément. Non, mais les Pakistanais, j'ai pas besoin de te préciser à quoi ressemble un Pakistanais de base, tu vois. Hein, oui, oui. Alors, oui. Les Pakistanais, ils étaient. Alors, évidemment, comme il y avait des troubles, il y avait des caméras, alors, t'avais des hommes Pakistanais qui essayaient de garder une certaine tenue en public, mais ça a été un exercice, à mon avis, de self-control, je crois, assez inédit, parce que. Voilà. Mais je voyais les Pakistanais qui parlait à la parce que c'était une femme blanche qui était derrière ça d'homosexualité. Bon, le Pakistanais avait très envie quand même de passer à la vitesse supérieure, mais il pouvait pas, il y avait les caméras, il y avait même une députée travailliste donc de gauche qui était là aussi en disant que voilà tout le refrain quoi. Bon, voilà, mais moi j'aurais été avec les Pakistanais, hein. Il n'y a pas de problème, hein. C'est pas possible quoi, hein. c'est des gens malades, hein. Il faut le dire. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle des alliances objectives, voilà, des alliances objectives. Oui, pas forcément s'allier, mais disons. Non, mais une alliance objective, c'est ça, une alliance objective, en fait, c'est une alliance que tu ne recherches pas activement. Ça ne veut pas dire faire front commun, ça veut dire utiliser comme bélier. Ah non, l'alliance objective, c'est simplement que tu te retrouves contre le même ennemi à un moment donné, c'est tout. Ah oui, bien sûr. Et bon, si tu commences à me dire, voilà, bonjour, je vais transformer votre enfant de 3 ans en homosexuel, je commence à développer des sympathies pour l'islam radical. Hein, voilà, oui, non, mais ils expliquent aux gamins ce que fait que je fais. Qu'est-ce que une fellation, c'est qu'est-ce que c'est, etc. Oui, j'ai vu ça récemment. Là. C'était cette semaine, là, j'ai vu ça. Là. Ah, moi, oui, c'est. Il y a une réaction, je veux dire. Ils ont, j'ai vu. Il y a un compte Twitter qui rassemble un peu les parents sur là-dessus. J'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié le nom du compte Twitter. Il est intéressant à suivre. Et justement, ils disaient ça. Je veux dire qu'il y avait carrément. C'était des petits enfants, là. C'était quoi, c'était, il y avait le matériel qui était distribué à des gamins, mais je sais pas, les gamins ils avaient 6 ou 7 ans, le garçon suce le sexe de la fille. Le... Oui, ou pas. Hein, ou oui, ouais, bah oui, parce qu'il ne faut pas discriminer. Bon, là, on est dans des trucs. Si vous voulez, là, il va falloir qu'il y ait une réaction. Ah, bah là, il faut. Islam radical, quoi. Hein, bah oui, voilà. Moi, j'ai un regret quand même, c'est qu'on ait fait disparaître l'État islamique. Hein, moi, je vous le dis. Non, bah si, je veux dire. Non, mais je veux dire, hey, en 2014-2015, moi, je suis désolé, on a eu le meilleur contenu si vidéo veux, qu'on a jamais eu de toute l'histoire de l'humanité. On a eu. Ça, c'est ton truc à toi. Mais non, mais. Bah, non, mais, je rends à César ce qui est à César. Hein, mais le. Comment ça s'appelle? Le. J'aime bien les immeubles, moi. Le comment dire? L'instant Samuel Paty, si tu veux, quand même, c'est toujours là. Ça reste. Ils ont. Ça, c'est encore autre chose. Moi, je te parlais quand ils faisaient leur super production hollywoodienne à Raqqa, moi. Je sais bien, mais on peut pas développer davantage, mais je veux dire, moi je me rappelle de vidéos, mais c'était bien foutu, quoi. On aurait aimé voir d'autres personnes dedans, parce que bon, les pauvres... Non, je parlais des PD, du haut des toiles. Ah ça, effectivement. C'est vrai que... Je pensais que tu parlais d'autre chose. Non, moi je parlais de ça, moi. Ah, ça, oui. Ça, tout à fait. C'est assez réel. Oh, la lutte contre l'homosexuel. Ah, bah. Et d'ailleurs, ils n'ont rien fait de plus que l'Arabie Saoudite. Hein. Je rappelle. Homosexualité en Arabie Saoudite, c'est puni de mort. Oui, non, mais disons, sauf la partie. C'était moins spectaculaire. Ah, oui, c'est ça. C'est le côté plus créatif, plus artistique. Voilà. Tout à fait. Donc voilà, non, mais moi j'ai pas d'animosité excessive contre les États-Unis, hein, je veux dire, voilà, hein, mais bon, après, on n'a pas les mêmes intérêts territoriaux et raciaux, c'est tout, voilà, bon, ils ont la religion, tout ça, mais je veux dire... Non, mais ça, jusque-là, l'Ouganda, l'Ouganda... Alors ça, c'est une version intéressante, parce que là, on a affaire à une démocratie apaisée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est intéressant. Il faut les voir, hein, Ah oui, et puis c'est un consensus national, hein, attention, hein. T'en as certains, alors, si tu, ça va emmerder un petit peu, peut-être, on digresse pas mal, mais. Non, c'est bien. Je regarde, je tombe là-dessus sur des débats, des mecs, donc, des députés qui tiennent ce truc-là, tu vois. Et puis, ils sont invités même sur des plateaux télé où, tu vois, même parmi les nègres, tu vois, t'as des espèces de nègres qui ont vécu à l'étranger. Et qui croisent les jambes, qui parlent bizarrement, tu vois. Et tu vois. Et donc le nègre homosexualisé fait le malin, c'est en disant ça sert à rien, etc. Et l'autre, il est là, ben, reste calme. La loi dit que la Constitution, c'est interdit, nanana. Et puis, l'autre il ne regarde pas trop parce que. Mais bon, s'il n'y avait pas des caméras, s'il n'y avait pas ci, pas là, bon, je pense qu'il y en a un qui finirait dans le ventre de l'autre. Quoi. Voilà. Pas de manière relationnelle. Quoi. Ce sera plutôt. Oui, sans le consensus. De façon de régler le problème. Développement durable. Quoi. Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent du mal des Africains, etc., mais ils ont aussi des qualités. Ils ont aussi des qualités. Tu me verras jamais dire du mal de Ougandais. La patrie d'Amin Dada, je veux dire. Est-ce que tu as déjà vu un Ougandais quelque part? J'ai jamais vu. Non, mais d'ailleurs, c'est. C'est signe de bonne santé. C'est un des rares pays africains qui a régulé sa natalité. Voilà. Donc oui, ça s'exporte pas, il n'exporte pas. D'ailleurs, pendant que tu parles de ça, il respecte. Voilà, c'est un pays donc il respecte ses voisins. Hein, il s'exporte pas. Il y a des tensions, mais je voulais dire. J'ai regardé avec intérêt les réactions en Afrique par rapport à cette promulgation de loi contre le vice italien. Et alors, c'était tout à fait remarquable puisque l'extrême gauche anti-blanche sud-africaine du parti des Economic Freedom Fighters, c'est-à-dire les combattants pour la liberté économique ou les combattants économiques de la liberté, vous choisissez comme vous voulez, qui est dirigé par Monsieur Malema, qui est un. On lui avait posé une question une fois. Mais est-ce que vous êtes pour l'assassinat des blancs? Il n'avait pas su répondre. Donc voilà, ça donne. Il trouve que l'ANC donc est un parti modérantiste. Qui ne souque pas assez les blancs dans ce pays-là. D'ailleurs, il y avait eu la question de l'expropriation sous Trump, hein, des fermiers blancs dans le pays. Et puis l'ANC a freiné au dernier moment parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils allaient crever de faim, comme au Zimbabwe. Et donc, le mouvement de Malema a hurlé au scandale, à la trahison, etc. Bref, Monsieur Malema a jugé nécessaire de dégueuler sur l'Angola après la promulgation de la loi contre les homosexuels en disant que c'est un scandale. L'Angola ou l'Ouganda? Ah oui, pardonnez-moi, l'Ouganda. Il a dégueulé sur l'Ouganda suite à la promulgation de la loi. Ouais. Alors que c'est l'ultra-raciste noir, etc. Tu vois, l'ultra, quoi, tu vois. Eh ben, il était là en train de chouiner comme une femme en disant mais quand même l'homophobie machin, tu vois, j'étais là bon, c'est intéressant. Donc en fait c'est, et là je vais te dire un truc, c'est que pour moi ce mec là il est dans la poche de la CIA, c'est évident. Oui, bah ça, c'est sûr. C'est à dire que c'est là que tu vois les mecs ils mettent leurs cartes sur la table. Donc comme il y a personne qui va hurler contre cette loi en Afrique parce qu'ils sont tous d'accord, quand tu vois un nègre sortir en disant c'est scandaleux, et que par ailleurs c'est un mec, dispendieux, ouais. Par ailleurs il est ultra radical sur toutes les questions, c'est à dire que c'est le mec, tu vois, je veux dire, alors que l'ANC c'est le parti quand même de la fin de l'apartheid et tout, je veux dire, bon, moi je veux bien qu'on dise qu'ils sont modérés, mais enfin bon quand même et en fait ça colle parce que l'ANC en fait c'est donc l'Afrique du Sud est un pays qui est en train de s'écrouler, hein, objectivement. L'ANC est évidemment lié à la Chine, à la Russie, au plan géopolitique. Et il est évident que la CIA ne s'appuie pas sur les Blancs, ça va sans dire, contrairement à ce qui se passait durant la guerre froide. Parce que l'ANC, c'est le parti communiste, hein, il était soutenu par le KGB et tout ça. Et comme la CIA est une organisation trotskiste juive, eh ben, ils ne vont pas soutenir des Blancs, c'est entendu. Donc il faut bien trouver des partisans quelque part en Afrique du Sud pour essayer de déstabiliser le pouvoir pro-russe, pro-chinois. Il reste quoi? Bah, des ultra-radicaux noirs, de Julius Malema. Et c'est pour ça que cette espèce de con de nègre a dégueulé sur la nation ougandaise suite à sa mesure énergique contre le cancer LGBT. Voilà. Donc faut se méfier, hein, des mecs, là, ils arrivent, tu vois. Mais voilà, c'est intéressant, je trouve. La géopolitique de l'anus. Mais c'est exactement ça, hein. C'est oui, regarde la Russie, il faut la... officiellement non, mais... c'est pour enseigner la théorie du genre dans les écoles russes, hein. C'est... ça va être compliqué. Ouais, oui, je sais pas. Mais oui, en fait, les mecs disaient comment on va faire maintenant pour accueillir des gouvernants de l'étranger, c'est des opposants à la loi. Comment on va faire pour accueillir des... Alors, c'est vrai que ça va être difficile pour un membre du gouvernement français dans la Ouganda. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, ça va être compliqué, là, quand même. Oui, mais pas que lui. Tous ses ministres, en fait. Là, même... Oui, au plus les semaines passent, au plus il y en a qui sortent du bois. Hein, c'est, oui. La Dussopt, récemment, l'Arabe, là, cette semaine. Peut-être d'autres. Qu'en est-il, d'ailleurs, de l'ambassadeur de France en Ouganda? Parce que le Quai d'Orsay est un repère d'homosexuels. Oui, hein, Et bienvenue à ce 10e épisode du Grimoire de Merlin. Enfin, le voici, vous étiez nombreux à l'attendre. Car c'est vrai, en ce moment je suis très occupé, je potasse mes formules, je peaufine énormément mes potions. Et oui, mes petits gars, il faut se préparer en ce moment. Il y a encore beaucoup, beaucoup de nègres qui débarquent dans nos contrées. Beaucoup de juifs conspirent, hein, vous l'avez remarqué en ce moment. Les Youpins sont pour ainsi dire complètement en transe même. Ils boivent de plus en plus de sang.

Et voilà, la nation doit mourir. Les nations doivent mourir. Mais qu'entend-on par nation ? Bah, on entend les peuples. Comment reconnaît-on un peuple ? Par son ethnie, sa race et sa culture. Évidemment, sa cohésion entre individus. Et donc l'immigration de masse, là-dedans, c'est un outil des juifs, des banques, du capitalisme, et non pas du socialisme. C'est un outil du mondialisme. Et le mondialisme, c'est le capitalisme vu par les juifs. Ça rejoint le messianisme, tout simplement. Car il s'agit du monde entier qu'il faut transformer. Et ça passe inévitablement par la domination de l'Occident, des dômes, de la chrétienté, du monde blanc en général. Et en fait, l'aboutissement de tout ça, pour le juif, c'est, pour simplifier, je m'en mets plein les poches, et ta mère, ta femme et ta fille se feront baiser par des nègres. Voilà. Tout en me faisant des thunes. Voilà. L'Occident, blackhead, avec le juif qui est en poche derrière, derrière la caméra. Et donc voilà, Goy, voici la leçon du jour. La messe est dite. Je te laisse méditer là-dessus. Je vous laisse méditer là-dessus. Tous ensemble. Unis dans le racisme et l'antisémitisme. Car vous allez en avoir fortement besoin. Je pense que vous n'aurez même pas le choix de toute façon. Donc sur ce, radicalisez-vous. C'était Merlin au pays des babouins. Alors, rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, premier courrier. Mes chers démocrates, premièrement, permettez-moi de m'excuser pour mon niveau de français. Ce n'est pas ma première langue, donc je suis désolé pour les erreurs que vous allez trouver ici. La compréhension du français est facile pour moi, mais je peine à l'écrire. Je vous ai envoyé 1,061 Monero. Est-ce que vous l'avez reçu ? On vous répondra, bien évidemment, cher auditeur. Alors, brièvement. Je suis un Argentin d'ascendance ibérique et un grand enthousiaste de vos transmissions. Le premier objectif de cet email est de vous faire savoir que vous n'avez pas que des admirateurs entre les Français, les Belges et les Suisses, mais partout. Très globalisé, dit-il en rigolant. Alors, j'ai une chose peut-être intéressante à partager avec vous. Comme vous le savez, ici en Amérique latine, on a des Blancs, très souvent dans les classes hautes de la société, mais également dans les classes moyennes dans des pays comme le Brésil, le Chili, l'Uruguay et l'Argentine. J'ai pris note qu'une quantité considérable de nationalistes blancs considèrent que l'Amérique latine peut être un « refuge » entre guillemets contre les choses terribles qui se passent et vont se passer là-bas en Europe. Ça peut être vrai si on parle de l'intensité du problème, cependant pas sur sa qualité. Ici, on copie tout ce que vous, les Européens, occidentaux, c'est-à-dire français, anglais, espagnol, allemand, etc., et où les Américains faisaient. Il n'y a pas d'originalité. Nos élites blanches regardent les vôtres attentivement pour les imiter. On continue d'être de simples colonies. Plus un pays est blanc, plus il copiera l'Europe. Intéressant comme réflexe. L'Argentine, pour donner l'exemple, était le premier pays de l'Amérique latine a ratifié le mariage anal et d'aller plus loin, ici les travelots possèdent un quota obligatoire pour eux de 1% des emplois dans le secteur public, décret 721-2020 signé par le président Fernandez, lui qui a un fils drag queen, nous dit notre auditeur. Au Brésil, le métissage des classes blanches avec les nègres avance d'une manière effrayante. Nous dit-il. Je pourrais donner... Des classes populaires, des petites classes, c'est ça qui dit. Oui, d'accord, oui, c'est ça, ouais. Je pourrais donner plusieurs exemples. Il y a quelques différences. Par exemple, le Brésil, qui est généralement plutôt incliné à imiter les Américains que les Européens. Mais le point central donc, de son argumentation demeure. C'est-à-dire que la maladie est universelle chez les Blancs. Moi-même, je connais des Blancs qui ont adopté des nègres d'Afrique. Ridicule! Ils ont adopté des Noirs d'Afrique et pas d'Amérique latine parce que les seconds seraient moins chics. Ah oui, d'accord, c'est même pas des nègres du Brésil ou quoi. Non. D'accord, c'est de... Du vrai. C'est du nègre bien frais, quoi. Voilà, appellation d'origine contrôlée. Là aussi, quoi. Label rouge. Hein. Label rouge, voilà. Bah oui, oui, les autres, ils pourraient mélanger, voilà. Pour finir, j'espère que j'ai dévoilé un peu plus la situation dans l'hémisphère sud, l'espérance et la lutte continue. Néanmoins, merci à vous d'avoir lu mes mots. Et c'est signé à Blanco. Alors, Blanco, d'abord, merci de nous suivre. Premièrement, ça me fait et ça nous fait extrêmement plaisir d'être écoutés par tous ceux qui peuvent comprendre le français, évidemment, chez les Blancs. Je précise, hein, évidemment, j'en ai rien à foutre des nègres qui baratinent un peu de français. Je parle bien évidemment de la francophonie positive. Alors, ça va de l'Amérique du Nord avec le Québec, éventuellement, la Suisse, l'Argentine et partout en fait où nous avons des gens qui peuvent comprendre le français et qui par ailleurs sont sur nos idées. Donc très bien, formidable. Oui, d'autant plus sur les continents autres que l'Europe, enfin en tout cas les continents loin de l'Afrique. Oui, indubitablement, effectivement, oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de savoir... Bon, déjà, il faut parler espagnol, donc ça, bon, je pense que beaucoup ont fait l'espagnol à l'école, mais au niveau possibilité d'aller sur place là-bas... C'est vraiment une chose très positive que, en fait, la parole blanche dépasse les frontières, donc ça, c'est la chose qui est bien. Et si des gens comprennent le français, c'est encore mieux. Donc les Américains, ils ont les Américains ou les anglophones, bon bah ils ont tous leurs médias. Évidemment, c'est les médias les plus puissants et de très loin, puisque bon, l'anglais est dominant aujourd'hui. Donc tout, je pense qu'à peu près, bon, je vais peut-être un peu vite en besogne, mais en tout cas, beaucoup de blancs comprennent l'anglais. Donc voilà. Donc c'est bien si nous on arrive à toucher aussi des gens dans différents pays et qui ensuite nous écrivent pour nous dire voilà, ben moi je suis pas français, je suis même pas suisse ou belge, mais je comprends le français, j'écoute vos émissions et je suis sur vos idées. Voilà, et dans mon pays ça se passe comme ça. Alors ça, c'est toujours très friand de découvrir. C'est assez surprenant d'ailleurs. Oui, non, mais moi je le savais. Hein. Je savais qu'on a des auditeurs, on avait des Italiens qui nous écoutaient comme ça, qui comprennent très bien le français. Peut-être qu'ils ont vécu en France, etc. Ils sont sur nos idées. Mais ils vivent en Italie et ils nous écoutent. Donc, je trouve ça très, très positif. Donc, d'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous écrire. Hein. On est toujours très preneurs des expériences étrangères. Et on avait eu un cas qui était un peu différent. C'était un Espagnol qui était en France. Il avait immigré en France. Et il nous avait raconté il y a quelques mois son expérience. Voilà. C'était un petit peu différent. Mais voilà, donc les Blancs qui sont présents sur d'autres territoires, c'est très intéressant. Alors, l'Argentine, je ne suis pas suffisamment familier hein, pour évidemment en parler. J'ai des notions très générales, mais je savais qu'il y avait qu'il y a des problèmes raciaux depuis un certain nombre d'années en Argentine, puisqu'ils ont une espèce d'immigration diffuse qui vient des autres pays d'Amérique latine, notamment du Brésil. Donc une espèce d'immigration interne à l'Amérique latine qui déborde en Argentine depuis maintenant un bon moment. Et ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Au Chili, c'est différent. Ils ont importé des Haïtiens. C'est-à-dire que c'est pratiquement ce qui se fait de pire. C'est beau. C'est, oui. En Amérique du Sud, c'est ce qui se fait de pire. Je veux dire, Haïtien, après, c'est une question des quantités. Ça devenait un problème. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ils ont quand même été obligés de suspendre les vols. Hein. C'était plus possible. Non, parce que tu vois, le Chili, tu vois, ouais, c'est un très grand pays, si tu veux. Mais les zones de peuplement sont très limitées. Donc, si tu fais venir des Haïtiens là-bas, c'est la fin du monde, quoi. Et alors, il faut savoir que les nègres entre eux sont extraordinairement racistes, ce qu'on oublie trop peu. Oui. Alors, il y a une immigration haïtienne, par exemple, en Guyane, ce dont on parle peu, ou pratiquement jamais. Et alors, ce sont des prédateurs forcenés, ce qui fait que nos nègres du cru, en Guyane, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qu'on a apportés nous-mêmes par bateau, nos nègres zendolans qui sont là. Voilà, mais ils se font dévorer vifs par les Haïtiens. De la République, oui, ils se font dévorer par les Haïtiens. C'est une race extraordinairement agressive. De tous les Noirs, je veux dire. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Et alors, comment dirais-je, C'est un fléau. C'est un fléau absolu. Et du coup, bah voilà. Donc il y a des dynamiques internes à l'Amérique du Sud qui sont toujours intéressants à noter. Bon, voilà. Donc et donc je suis toujours content d'avoir des retours là-dessus. Bon, on avait aussi El Chavo qui nous avait de l'Uruguay qui nous avait raconté un petit peu sa vie là-bas aussi. C'était intéressant, etc., etc. Je veux dire. Donc, ce qu'il nous dit dans son courriel, c'est qu'il y a des gens qui peuvent voir l'Amérique du Sud comme une espèce d'échappatoire. Bah oui, l'Amérique du Sud a été fondée là-dessus. C'est-à-dire que c'est des Européens, comme l'Amérique du Nord, hein, je veux dire, c'est des Européens qui décident de partir pour 20 000 raisons différentes. Et donc, il y a des gens qui peuvent se dire encore aujourd'hui, bon, il y en a marre, je vais là-bas. En Amérique du Sud, vous n'avez pas un contrôle aussi serré des populations par l'État. L'État n'est pas aussi performant que dans les pays d'Europe de l'Ouest, ça c'est certain, quoi. Donc, il n'y a pas ce contrôle millimétrique, c'est tout à fait évident, quoi. Donc, il y a d'autres problèmes, mais ça dépend un peu où ce qu'on recherche, quoi. Hein, mais je veux dire. Oui, c'est-à-dire que même s'il y a la volonté de... Bon, même si la volonté est la même que chez nos élites, les moyens ne sont pas les mêmes. Les moyens de nuisance ne sont pas les mêmes. Bah, c'est-à-dire, tu vois, je ne connais pas l'administration centrale argentine, mais bon, déjà, tu regardes la taille du pays. Tu auras les concentrations de population. Bon, l'administration centrale, c'est bien gentil, mais il n'y a rien à faire. C'est une question aussi géographique. C'est-à-dire que tu tiens les populations quand tu quadrilles les bassins de peuplement et qui sont très près du centre politique. Si tu as des zones très lointaines, etc., bon, ça, c'est plus compliqué. Et surtout, s'il faut aller dans l'intérieur des terres, etc. Et puis en plus, les grands espaces... Je crois cultive chez les hommes une envie de liberté. Je pense que il y a aussi ça quand même. Il y a aussi une espèce de de mur. Je vais pas dire génétique, mais presque. C'est une espèce de mur comportemental qui est lié au milieu de vie, qui fait que quand t'es dans les grands espaces, que je sais pas, t'as un ranch ou t'as une maison, voilà, mais il n'y a personne autour de toi, t'es pas forcément très réceptif à des mecs qui viennent de nulle part et qui te disent comment il faut pisser. Enfin, je pense que ça prend pas tellement bien. Alors que quand les mecs ils vivent dans des clapiers les uns sur les autres dans des centres urbains, c'est beaucoup plus facile. Alors, je pense que ça joue beaucoup quand même. Voilà, mais je connais pas suffisamment l'Argentine pour en savoir plus. C'est très très grand, je veux dire. L'Argentine, bon, le Chili, c'est pareil. Bon, mais par contre, c'est un foyer de la gauche qui est absolument atroce, parce que quand tu regardes le Chili, c'est gouverné par enfin, je veux dire, en termes de socialisme, de féminisme, c'est atroce. Ils ont élu un gauchiste pas possible là il y a 2 ans. Bon, il avait promis la grande révolution. Bon, généralement, les gauchistes se cassent les dents sur leur propre promesse, donc je sais pas où ils en sont au Chili. Mais il avait promis toutes les lois les plus dégénératives, etc. Enfin, c'était un agent de Klaus Schwab d'ailleurs. Bon, je sais pas où ils en sont. Ils voulaient tout faire, tu sais, le revenu minimum universel, tous ces trucs-là. Tu sais, ils voulaient vraiment le communisme, quoi, tu vois. Où il en est, j'en sais rien. Ils ont mis Lula au Brésil. Bon, il y avait toute la gauche française qui était là en pamoison. Etc. Qu'est-ce que ça change? Ben, en pratique, ça change pas grand-chose. Ça change si. En fait, il y aura plus de Noirs qui vont mourir parce qu'ils auront le droit de s'entretuer. Voilà, c'est vrai, ça paraît. Donc c'est, c'est plutôt bon pour la race blanche, tu vois, j'ai envie de dire. Ouais, je pense pas que le président du Brésil ait un quelconque comment dire, une quelconque influence sur la tectonique des plaques raciales dans le pays. Quoi. Non. Je crois que par contre le sud du Brésil, qui est très blanc comme vous le savez, là je parle vraiment du sud-sud. Hein, ouais. Je serais pas surpris qu'il y ait des tendances séparatistes qui émergent, toujours selon les mêmes dynamiques que j'ai présentées en début d'émission. Je serais pas étonné. Je veux dire parce que le Brésil va mal, il y a une grosse polarisation. Il y a une polarisation générale, au moins dans le monde occidental. Donc on le voit en Amérique, avec Trump, son arrestation fomentée notamment par les Juifs, et notamment par la juive Rice. En France, bon, je vous passe les détails, vous connaissez. Et en Amérique du Sud aussi, il y a une polarisation marquée, et au Brésil, plus qu'ailleurs. Vous avez rappelé des supporters de Bolsonaro qui sont rentrés dans le Parlement et tout. Bon, il ne s'est pas passé grand-chose, si vous voulez, mais il y a une en fait, le système démocratique marche pas. C'est tout, ça marche pas. Donc les gens sont pas satisfaits des résultats des élections. Mais comme en Afrique, vous voyez, c'est tout, c'est la même chose en fait. Voilà, l'autre a gagné, mais non, il a pas gagné parce que c'est le groupe ethnique ennemi qui l'a emporté, donc t'es pas content. Donc je pense qu'on aurait des surprises, à mon avis. Et j'ai vu un truc intéressant. Il y a eu une tuerie là dans le sud du Brésil cette semaine. Il y a un type. J'ai pas pu voir son profil racial, mais c'était intéressant. Qui a surgi dans une école, qui a tué 4 enfants. Et c'était pas un élève. Hein, je veux dire, c'était pas une tuerie à l'américaine. Hein, c'était bien un mec de l'extérieur qui est venu pour tuer des gosses. Et tu vois tout de suite. C'est-à-dire que tous les gens autour, c'est que des blancs et des blonds. C'est vraiment blanc. C'est de peuplement blanc à rien. Alors j'ai voulu voir, parce que j'aurais aimé voir si c'était un nègre ou un mulâtre qui a voulu faire un carton. Peu importe. J'ai regardé les réactions sur Twitter, et t'avais des saloperies de Brésiliens sans race qui disaient « Oui, non, mais cet état du Brésil, il a accueilli beaucoup de nazis, regardez les villes, etc. » Tu vois, les villes, c'était ils montraient, effectivement, parce qu'il y avait des Allemands, il y a une immigration allemande, et c'est vrai que tu as des centres-villes où ils ont reconstruit ça à l'allemande, tu sais, avec les maisons à colombages. Oui, les maisons à colombages. Ouais, voilà. Et le mec était là, le mec, il commentait ça sous les vidéos de la tuerie, tu vois. Il était là « Oui, ouais. Et en fait, le mec, il t'expliquait, mais c'est pas grave parce que c'est des blancs, c'est des gosses blancs qui ont été assassinés, tu vois. Et je regardais sa gueule, il avait, tu vois, c'était pas un nègre, mais c'était une espèce de truc bizarre, oui, marron. C'était un français, quoi. Ouais, il était brésilien, hein, brésilien et tout, hein. Mais il était, oui, là. Oui, mais racialement, il était français. Mais il expliquait en anglais aux gens qui étaient là, qui sympathisaient avec les victimes. Ouais, bah, non, mais c'est plus compliqué, tu sais, genre, c'est plus compliqué. Et en fait, c'est racialement, ça va, en fait, tu vois. Donc, j'ai pas creusé davantage, mais tu sens que au Brésil, ça va dégénérer, quoi. C'est sûr. Quand on arrive, si tu veux, à expliquer qu'il faut assassiner des enfants blancs parce que quand même le nazisme. Ok, donc là, si tu veux, tu vois des gens de gauche qui ont envie de décéder très vite, quoi. Donc voilà, je dis ça en passant, quoi. Donc, on va voir ce qui va se passer. L'Argentine, c'est un pays qui a d'énormes problèmes économiques, l'Argentine, depuis longtemps. Mais voilà. Mais ils ont quand même gagné la Coupe du Monde. Donc ça, c'est bien, contre la France, contre les Nègres. Ça, c'est positif. Hein ? Faut s'en rappeler, ça. Oui. Ils nous ont quand même épargné 4 ans de souffrance, quand même, je veux dire. Les 4 nouvelles années. Ah non, mais la divinisation du mulâtre algérien Mbappé, là, je le sentais pas, hein, je te le dis. Du mulâtre qui fréquente des travestis. Hein. Oui. Bah oui. Oui. Bah oui. Oui, oui, oui. Bah, il est français. Oui, bah voilà, oui, c'est ça. Pape Ndiaye, probablement lui-même. Ouais, il est moi, enfin, il me semble très louche. Moi, j'aimerais l'expertise du président Museveni sur Pape Ndiaye. Ah bah écoute, commence par la mienne. Ça sent le bisexuel. Ouais. Il est très. Il est très lascif. Oui. Hein, bah oui, ça trompe pas. Hein. Puis il est marié à une juive, probablement féministe et lesbienne aussi. Ça c'est certain, ça. C'est certain, il est marié à une juive qui ressemble à un homme, quoi. Qui est très exactement c'est le portrait robot du Happy Marchand avec des tresses. C'est la version femme du même Happy Marchand. C'est tu prends le Happy Marchand, hein, le juif qui se frotte les mêmes, et oui. Tu lui mets, tu as la version avec une couette, tu vois. Bah c'est mon gène Lazarus, quoi. Le camelot heureux. Ressemble à un homme, quoi. Lui est très un petit peu bizarre. Donc oui. Imagine le bordel génétique des enfants Lazarus Mangin Ndiaye. Oui, j'aimerais bien avoir l'avis d'Adolf Hitler, moi, sur la question. Il n'aurait qu'à. je vais m'abstenir parce que. Je vais m'abstenir. C'est-à-dire. Enfin bon, voilà, courrier des lecteurs, sympa. Salut à Blanco et à nos amis argentins, merci pour le soutien et qui n'hésite pas à nous narrer les aventures de l'Argentine parce qu'il y a sûrement des trucs qui se passent dans son pays qui seraient intéressants pour notre public. Courrier numéro 2. Au passage, le baron S qui nous écrit ceci, petite réflexion matinale, je me demandais ce matin si la mort du blogueur russe Vladlen Tatarsky, c'est un pseudo, c'est pas son vrai nom, assassiné dans la ville natale de Poutine, qui est Saint-Pétersbourg, hein, et dans le bar de Prigozine, n'était pas une riposte à l'arrestation de l'espion juif Evan Gershkovitch, correspondant du New York Times, nous dit-il à Moscou, à ses heures perdues. Cela me semble être une des méthodes de prédilection de ces terroristes internationaux. Salutations fureresques. Est-ce que tu as suivi l'affaire ? Pas du tout. Alors, je suis désolé, Non, mais il y a pas de... On peut pas être partout, hein. Alors, alors on dit journaliste et espion. Donc, les Russes l'ont arrêté sur après l'avoir accusé d'espionnage. Alors, juif et espion, c'est la même chose. C'est ça le truc, ok ? Et voilà, oui. C'est-à-dire que les Juifs sont un État étranger partout. Ils espionnent, ils infiltrent, voilà. Donc, alors, en l'occurrence, il dit journaliste. Alors, journaliste, c'est comme ambassadeur, tu vois, c'est pour l'immunité diplomatique. Bon, au bout d'un moment, les Russes, c'est bien gentil, mais tu vois, ça leur... voilà, ils ont dit, bon, vous êtes bien gentil, on arrête un peu. Alors, Bernard-Henri Lévy a dit que il fallait déclencher l'union sacrée pour un confrère. Alors, moi, je l'ai pris au sens littéral, hein, je veux dire... Ok, je dis là, oui, bah oui, évidemment. Et alors, il a remué. Alors, ah, du coup, la presse française aussi, dans Le Monde, hein, il y a eu 22 rédactions, donc c'est-à-dire, traduisez du coup, 22 organisations d'espionnage établies en France, qui sont par ailleurs des synagogues, qui opèrent sous couverture du journalisme, que sont Libération, donc là, c'est le Mossad en prise directe, puisque c'est donc Alphon, c'est tout ce que vous voulez, hein, c'est le JDD, vous les avez tous en tête, hein, voilà, qui ont dit, c'est scandaleux, libérez immédiatement, donc, Gershkovitch. Alors, en fait, il réglait des comptes personnels, Gershkovitch, puisque sa famille dit avoir fui l'Union soviétique, dans les années 1980, car des rumeurs couraient selon lesquelles une déportation imminente des Juifs en Sibérie était... Donc, tout d'un coup, ils se sont découverts une âme d'Américains, ils sont tous tirés en Amérique, et voilà, pour immédiatement organiser, hein, monter des organisations révolutionnaires pour foutre en l'air la Russie, qui n'était plus tout à fait aux mains des amis de Trotsky, etc. Donc, vous avez compris. Et en fait, depuis que Poutine est au pouvoir, c'est la même chose, hein, c'est exactement pareil. Et alors, donc, il est revenu dans le pays de ses parents, ok, comme journaliste officiellement, mais comme espion, ouais, et vous allez voir à quel point c'est vrai, parce qu'il a été pris alors qu'il venait il avait monnayé des documents secret défense avec des informateurs, et alors qu'ils rôdaient autour d'installations du complexe militaire russe. Ce qui ne sont pas du tout des activités d'espionnage, on est bien d'accord. Hein, voilà. Donc, bref. Donc, ils l'ont bouclé. Hein, alors, il faut le dire, je vais le dire, parce que c'est une forme de critique à l'égard des Russes. Je suis bien obligé de les critiquer un petit peu. Hein, je les soutiens, mais je suis obligé de les critiquer. Il faut vraiment, il faut carrément, si tu veux, que le juif soit avec sa... soit avec sa valise de cash, en train d'échanger les documents secrets défense après avoir pris des photos d'installations militaires pour que les autorités russes acceptent de boucler un youtre. Donc il faut quand même aller très loin. Je veux dire. Moi, je vais vous dire un truc. Hein. Staline n'aurait pas attendu autant avant de prendre des mesures. Hein. Voilà. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut de Staline, mais quand même. Donc, messieurs les Russes, il va falloir quand même serrer les boulons sur les Juifs. Je sais que, voilà, vous n'avez pas envie, parce que truc... Mais il va falloir quand même le faire. Alors, bon, le meurtre en question. Donc ils l'ont bouclé. Et alors, ce que nous dit notre auditeur, c'est qu'il y aura peut-être un lien de cause à effet, c'est-à-dire que immédiatement après l'arrestation, paf, ping, bang, boum, on tue un des journalistes, parce qu'en l'occurrence c'était un correspondant de guerre pro-russe, qui est donc le blogueur en question, Vladlen Tatarsky. Alors oui, c'est une piste qui a été immédiatement retenue par beaucoup d'observateurs, notamment du côté, soit chez les gens neutres, soit chez les gens qui sont pro-russes. On ne peut pas l'écarter. En tout cas, le meurtre a été évidemment organisé par les terroristes à la botte de Zelensky, mais qui n'agit jamais sans l'aval de la CIA. Il y a eu un très long papier qui a été produit sur les opérations clandestines sur le territoire de la Fédération de Russie, qui sont en réalité indolores. Ils essayent de faire sauter des pipelines ici, de faire c'est surtout à des fins de consommation occidentale. Hein. C'est pour essayer de faire croire que il y a une espèce de pour essayer de mettre en scène en fait l'incapacité du Kremlin à sécuriser son territoire, à faire douter en fait de la puissance du Kremlin, la puissance de la Russie, mais c'est dérisoire en réalité. Bon, peu importe. Ils ont des cellules, ils ont des agents qui rétribuent, ils ont des gens qui sont convaincus, des opposants, tout ce que vous voulez. Ils ont des Ukrainiens sur place aussi, évidemment, quelques Polonais, tout ce qu'on voudra. Bon. Donc ils ont des cellules actives qui sont prêtes à assassiner. Et ils ont tué la fille de Dougin, accidentellement d'ailleurs, parce qu'ils devaient tuer Dougin. Alexandre Dougin, dont je le dis, je ne partage pas du tout l'orientation idéologique, donc c'est pas ma sensibilité du tout, mais à la dernière minute, il a échangé sa voiture avec sa fille. Enfin, la voiture qui devait embarquer Dougin, finalement a pris sa fille, et l'attentat a tué sa fille. Donc on voit bien que ce type d'action terroriste, fomenté par en fait, les Juifs, hein, via la CIA ou via le gang de Zelensky, vise des gens influents qui façonnent l'opinion en Russie, ou même des gens extérieurs, puisque sur Telegram, il avait 500 000 d'abonnés, Tatarsky. Hein. Alors évidemment, il était pro-guerre, il avait des propos qui étaient, moi, que je trouvais inutilement provocateurs et largement contre-productifs, donc je ne me reconnaissais pas du tout dans ce type de discours. On peut lier effectivement les deux événements. Ceci étant dit, je pense que les Russes connaissent l'affaire et qu'ils veulent monnayer en échange des échanges, des trucs. Enfin, ils font monter un peu la température et cette bonne guerre, hein, je veux dire, voilà. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, c'est une guerre contre les Juifs. Les Russes se retrouvent très largement contre leur volonté dans une guerre contre les Juifs, c'est ça que je veux dire. Hein. La guerre est bien l'initiative des Juifs, elle n'est pas l'initiative des Russes, c'est pas les Russes qui ont décidé de mener la guerre contre les Juifs, c'est bien les Juifs qui ont décidé de faire la guerre aux Russes et à la Russie. Et encore aujourd'hui, encore à ce stade, les autorités russes sont très largement immobiles face au péril juif, parce qu'elles subissent pour l'essentiel cet assaut hébraïque. Et elles sont encore paralysées par la présence de juifs en Russie, qui ont encore beaucoup trop de latitude pour opérer, même si la situation évolue petit à petit. Et une des raisons pour laquelle Netanyahou refuse de ouvertement soutenir l'Ukraine, et celle-ci, elle a été déclarée d'ailleurs par des responsables gouvernementaux israéliens, pour mon plus grand plaisir, je le dis, c'est qu'ils ont la trouille précisément de ça, que les Russes décident de prendre le taureau par les cornes et de boucler l'intégralité des Juifs. C'est la situation actuelle. Donc, si Israël ne bouge pas, c'est parce qu'ils ont peur que les Juifs soient séquestrés. Ce qui change de la période du Covid, où c'était les Juifs qui séquestraient les Goïs. Donc, évidemment, voilà. Donc ils ont, et du coup, ils ne pourraient plus aller et venir avec vers la Fédération de Russie, avec les valises d'or, hein, vous comprenez bien. Et ça serait, pour les Juifs, d'une manière générale, ça serait beaucoup plus problématique. Donc, Israël sert un petit peu de porte de sortie, de porte de derrière avec la Russie, et c'est bien pratique, et Vladimir Poutine ne l'a pas fermé. Je le regrette, je pense qu'il faut absolument la fermer, je pense qu'il faut évidemment boucler les Juifs de Russie, il faut absolument les mettre sous surveillance, ces gens sont extrêmement dangereux, c'est une colonne, c'est la cinquième colonne, c'est saboteur. C'est évident, c'est les premiers mecs que tu boucles. Les Juifs, c'est les premiers mecs que tu boucles. Dans une guerre, c'est les premiers mecs que tu boucles. Il n'y a pas 36 solutions. Si tu les laisses courir, ça sera du sapodage, ça sera de la propagande hostile, ça sera de la démoralisation. Ce sont les professionnels de ça, c'est un véritable poison. Les juifs sont à arrêter immédiatement. Malheureusement, les autorités russes aujourd'hui traînent encore la patte. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Alors bon, on verra bien ce qui va advenir, mais comme les Russes jouent gros, il va falloir qu'ils fassent des choix. Hein, voilà, je vois bien que Poutine ne veut pas, parce que malheureusement, Poutine n'est pas antisémite. Mais il faudra bien que quelqu'un tranche dans le vif. Sauf à vouloir perdre, mais bon. T'as un avis là-dessus sur ce que... Après, comme j'ai présenté un peu l'affaire, est-ce que t'as... Non, c'est vrai que je connais pas les protagonistes, le blogueur, etc. Enfin, ni l'espion, enfin, l'espion juif, ni le blogueur. Je suis pas du tout. Le conflit en lui-même, si tu veux, bon, il y a un conflit, les parties prenantes, que ce soit du côté ukrainien ou russe, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve ce conflit, néfaste. Je vois la dynamique, je suis la dynamique un petit peu de loin, mais dans les détails, ça m'intéresse pas. J'essaie de suivre juste pour essayer de voir un petit peu si on peut estimer que ça va aller plus loin ou pas. Estimer la cinétique, on va dire, du conflit, mais rien de plus. C'est ce cas particulier dont je ne me suis pas intéressé. D'accord. Courrier numéro 3. On a pas mal de courriers cette semaine, hein, mais autant les lire, c'est bien, c'est intéressant. Salut l'équipe, un petit mot rapide suite à l'émission et l'article sur les nègres du château de Varay. Auparavant, ce château était un ITEP qui accueillait des enfants en difficulté scolaire. Depuis, le niveau a tellement baissé que ces pauvres gamins sont mis dans les classes normales avec un assistant de vie scolaire. Résultat des courses, les gamins avec du potentiel sont sacrifiés. Merci la République. Personnellement, j'ai appris la nouvelle par DP et la grosse claque. Oui, c'était donc l'affaire de la livraison de personnel, la garnison, la future garnison donc du château. Islamique, bien entendu. Oui. Ah oui, c'est une terre d'islam. Hein. Le château est dans un hameau du village de Saint-Jean-le-Vieux, à un peu plus d'un kilomètre du centre, et des quelques magasins qui existent. Une bonne boucherie, un tabac, un bar-restaurant, un peu miteux, une fleuriste, deux boulangeries, une supérette et une auto-école. Dans le hameau lui-même, il n'y a rien à faire, que des quartiers résidentiels plus ou moins anciens, et si, quand même, la cabane de chasse à moins de 400 mètres. J'ai hâte de voir le clash des civilisations en septembre pour l'ouverture de la chasse. Quelques vieux blancs un peu racistes face à une meute de nègres dans la force de l'âge. Je n'ai aucun doute que le département mettra en place des navettes pour transporter les négros vers Ambérieux en Bugey, ou en Buguet, je sais en Bugey, je pense. Ce qui ressemble le plus à une ville dans les parages. Les quelques Fofana qui voudront travailler iront dans les vignobles du coin, donc à Cerdon. Donc c'est le nom du vin, non c'est le vin Cerdon, un vin pétillant local façon Clairette de Die. Ah bah ça me rappelle quelque chose à la Clairette de Die. Ah tiens. Oui, c'est dans l'Aude. Un vin, oh oui, oh puis, non, oui, là, oui. C'était la blanquette, la blanquette de Limoux. Ouais, blanquette. Ouais. Oh là là, le socialisme en marche. Oh là là, les initiés de la grande loge nationale socialiste sauront de quoi il s'agit. Alors, je n'ai aucune illusion sur le réveil des Français du coin, ni d'ailleurs en France. Ce peuple est en fin de cycle et ne survivront que ceux qui sont décidés à ne pas mourir. Est-ce que cela va mal se passer? Sans aucun doute, répond notre auditeur. Meurtre, viol, cambriolage et dégradation? Sûrement. Allez, je vous laisse. J'ai un pare-buffle à commander car je n'ai pas l'intention de m'arrêter à chaque fois que je croise un nouveau châtelain. Je vous tiendrai au courant des dernières nouvelles si je suis informé avant vous, ce qui n'est pas certain. Merci pour votre émission et c'est signé D'Artagnan. Voilà, salut D'Artagnan à toi, merci pour ce courrier. Cher Derek, tu connais donc l'histoire du château. C'est un beau château, hein. Il est juché là, comme ça, là, il se rend de... Ils surplombent, hein, voilà. Et alors, donc, ils vont recevoir une belle bordée de... Alors, c'est en lien avec les JO, les Jeux Olympiques. Paris déconcentre. Ah, d'accord, ah oui. Oui, d'accord. Donc il faut ventiler, ventilation maximale, mais on va quand même pas mal les loger. Donc là, c'est le... Bah c'est écoute, enfin... Château. Château. Château dans l'Ain, bah, donc le château de Varay. Oui. Bah si tu veux, c'est il est normal que sa majesté ait une demeure qui corresponde à son prestige. C'est, Je ne te le fais pas dire. Sa majesté doit se délocaliser, doit quitter son château d'Île-de-France. Donc c'est son domaine, hein, son domaine. C'est ça. Il est normal que pour sa villégiature, sa majesté est taxée à un château. Hein, parlons du peuple souverain. Hein. J'avais expliqué que le château a été fondé au XIIe siècle, c'était une forteresse fondée par un suprémaciste blanc qui était par ailleurs islamophobe, c'était Guéric de Coligny qui était un croisé qui avait participé à la deuxième croisade. D'accord. Et donc ça s'inscrit dans le travail de mémoire et de dédommagement des populations islamiques colonisées injustement par le pouvoir raciste blanc. Donc c'est bien. C'est bien. Là aussi, c'est bien. Et en plus, c'est en hauteur, donc si tu veux, comme les colonnes islamiques continuent à avancer, en fait, là où elle est localisée, là, ça contrôle un peu l'accès vers la Suisse, si tu veux, là où ça se situe dans l'Ain. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Ouais. C'est idéalement situé, donc la garnison va s'y plaire. Puis bon, il y aura des femmes du secteur. On sait déjà qu'il y a une fleuriste. Donc, de toute façon, s'il n'y en a pas tout de suite à proximité, ils feront un peu de marche. Par contre, il a raison de le dire. Par contre, ça, c'est vraiment un problème. Il y a des pieds de vigne tout de suite à l'entrée du château. C'est islamophobe. Quand même. Alors là, je ne sais pas quoi. Des fois, on se demande. Alors, l'association en question, hein, c'était... Alpha 3A, ça pourrait être un nom de musique africaine. Et... Ça fait chanteur malien. Ça. Oui, c'est ça. Et alors, c'est Guillaume Beaurepaire, le président, et c'est lourdement subventionné par l'État, la région, un peu tout. Et alors, ils disent qu'ils font du social. Ils font beaucoup de social, et je regardais dans la presse, en fait, ils ont carrément créé un nouveau QG il y a 2 ans avec... pour des millions d'euros, il disait, parce que le social se développe beaucoup dans la région, disait-il. Sous-entendu, il y avait beaucoup d'argent qui était attribué. Alors oui, le social se développe beaucoup en France. En fait. Le principe du social, c'est que des blancs payent et des nègres viennent profiter de l'argent des blancs. Donc c'est quelque chose qui se développe depuis des décennies et qui va se développer en fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de blancs. Hein. C'est le principe du social, tant qu'il y aura des blancs Est-ce que quelqu'un peut faire un théorème mathématique pour dire à quelle proportion de blancs le système social s'écroule en fait ? Oui, alors ça, celui qui trouve ça, c'est vrai que c'est une date. Tu regardes le nombre de contribuables blancs. Tu indexes ça sur la dynamique démographique, tu fais une projection sur le nombre de nègres qui s'accroît, tu regardes les transferts sociaux et le besoin du nègre pour vivre, hein, voilà. Pour prospérer, hein, normalement. Oui. Mais ça m'intéresse, moi. C'est un problème. C'est une équation énergétique, effectivement, qui va arriver à un point de... Comment dire On pourrait le faire au doigt levé, mais je pense que... Le carburant qui rentre dans la machine se raréfie. Hein, donc oui, là, celui qui arrive à nous fournir une équation en nous mettant une date à peu près... celui-là, on pourra lui dire merci, parce que ça permettra de prévoir un petit peu plus quoi faire, quand et comment, le temps qui nous reste. On a des gens au CNRS, hein, on a des auditeurs au CNRS, on a certainement des matheux, on a des les gars, tentez le truc, hein, voilà, c'est pas très sorcier, hein, je veux dire, mais voilà, pour voir, moi je serais curieux de savoir, à partir de quel moment, tout d'un coup, tout le machin commence à c'est parce qu'il y a, en fait, il y a trop de nègres et trop, pas assez de blancs, en fait. Oui, donc il faut prendre une hypothèse optimiste, une hypothèse pessimiste, et puis avoir une fourchette, quoi. Ouais, ouais. C'est compliqué, parce qu'en plus, ils encouragent les blancs à pas avoir de gosses. Bah non, c'est encore plus facile au niveau de l'équation, du coup. Ah bah ouais. Mais je voyais ça, justement, il y avait une nana, j'ai oublié son nom, mais elle est à Nantes, et elle est sur Twitter. Et alors, elle a pris deux screenshots du journal communiste L'Humanité. Lourdement subventionné par l'État, enfin tout est subventionné, mais L'Humanité, ouais. C'est vraiment lourdement subventionné. Alors, tu vois, t'as deux trucs, c'est genre l'encouragement à l'avortement, etc., tu vois. Genre, bon. Alors, il y avait un article qui disait, voilà, que, en fait, si tu... L'article en question diabolisait le fait d'encourager les femmes à avoir des enfants, etc., en France, quoi. Et à Mayotte, t'avais un autre article de L'Humanité où, justement, il disait, voilà, il y a des tentatives d'encourager les femmes à avorter, c'est scandaleux, c'est des réflexes coloniaux, etc. Donc, tu voyais bien, en fait, que si t'étais à Mayotte, fallait que les négresses aient pondent à bloc, et si t'étais en métropole, les blanches, fallait qu'elles arrêtent de faire des gamins. Alors, pourquoi je dis ça ? Évidemment, je sais pourquoi les communistes le disent, hein, bien évidemment, mais je veux dire, c'est que, le problème, c'est que ils se suicident, parce qu'il faut bien quand même que quelqu'un paye leur paradis communiste. Après, de toute manière, si tu veux, je pense pas que les blanches aient besoin, enfin bon, l'humanité, c'est pas ça qui va les... Ah non, mais c'était plutôt simple. C'est que des vieux qui lisent l'humanité. C'était symptomatique, si tu veux, de la culture ambiante. Ah oui, symptomatique, bien sûr. Ah oui, la culture de la mort, de manière, c'est. Voilà. Elle est là, quoi. Il faut qu'on arrête de vivre parce que la planète, elle a chaud. D'accord, mais qui va payer, du coup, pour le train de vie du nègre à ce moment-là? C'est ça la question. Ouais, et puis il faut construire beaucoup de centrales nucléaires. Il faut que les nègres, enfin, que les blancs disparaissent. Et donc, on va laisser les nègres à gérer des centrales nucléaires. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est pour ça que Macron, il est arrivé, il a un nouveau concept. Bon, c'est pas lui qui l'a pondu, mais... Alors, tu vas aimer. C'est les mini-centrales nucléaires. Oui, bah oui, c'est encore plus. C'est-à-dire que... Ouais, t'en mets beaucoup plus. Avec beaucoup plus d'équipes pour gérer, tu vois. Voilà. Et en milieu beaucoup plus hostile, tu vois. Et c'est sûr, voilà. Ça va bien se passer. Il n'y a rien qui peut déconner. Tu vois. C'est sûr. Non, rien. Bah non. Startup Nation. Hein, oh putain. Là, on tient. Alors, Startup Nation, nègre, nucléaire. C'est... Mais moi, oui, voilà. Parce qu'effectivement, dans l'équation, la partie nucléaire est à. Bon, c'est le bonus, si tu veux. Quand tu arrives au bout de l'équation, c'est-à-dire. Ouais. Quand le truc se grippe, il faut te dire que voilà, dans cette période-là, à plus ou moins 5 ans, ça va commencer à faire jour la nuit. Quoi, hein. Ça pourrait être marrant, ça, une espèce de roman d'anticipation. Ah, mais ça va être comme ça, attends. Non, mais un roman d'anticipation où tu as les centrales nucléaires, toi, qui sont vaguement automatisées, qui continuent de tourner, mais en fait, autour, tu n'as qu'une espèce de population de nègres débiles. Et tout le roman tournerait autour, tu vois, du moment où il y a une centrale qui va péter, si tu veux. Tu vois, qui va commencer. Écoute, c'est l'horizon de 2100. Hein, Bah voilà. S'il y a un romancier qui m'écoute, bon, il fera un roman, il n'en fera pas deux. Hein. Mais voilà, j'ai une histoire pour vous là. Mais bien flippant. Peut-être Richard Millet serait intéressé. Ouais. Bah ouais. Quitte à se finir. Ouais. Ouais. Bah oui. Il a déjà parlé du métro. C'était déjà trop. Paris-Bas-Ventre, c'est quelque chose. Quoi, hein. Ah ouais, je l'ai pas lu. Paris-Bas-Ventre. Ah ouais, c'est quoi? Vas-y, raconte quoi ça. Non, mais bon, écoute, bon, c'est une description de Paris, quoi. C'est intéressant. Non, mais t'as dit c'est quelque chose. Attends, dire. Oh, un petit truc. Non, mais écoute, bas-ventre, si tu veux. Déjà, c'est oui, je vois le nègre qui remue, le sexuel, le truc. Ah, j'ai déjà une petite idée, ouais. Voilà, non. Bah, Le nègre lubrique. Non, mais pas que. Bah, c'est tout ce qui est. Oui, lubrique, même. Enfin bon, on est dans l'un. Bon, bref. Voilà. Bah si, mais dis-moi en plus. Non, bah. faites vos recherches. D'accord. Qui a été maudit, hein, après avoir remarqué qu'il était le seul blanc à Châtelet. Ouais, mais bon. Par exemple, je prends quotidiennement le RER. Pour moi, la station Châtelet-Léal à 6h du soir, c'est le cauchemar absolu, surtout quand je suis le seul blanc. Donc, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas ? Oui, bien sûr. Ben, du coup, à Saint-Jean-le-Vieux, ben, vous allez être les derniers blancs aussi, du coup. Ben, c'est pas grave. Voilà. C'est... La conversion à l'islam, pour vous. Allez. Républicaine, hein, attention. Voilà. Ça va coûter une fortune. Mais j'avais vu... mais suivez le truc dans Le Progrès, le journal Le Progrès. Il y a un journaliste local. Alors c'est génial parce que tu vois, c'est un journaliste de gauche, mais il couvre l'actu du village. Donc il vit dans le village, le journaliste du Progrès. Et quand il a appris qu'on lui livrait des bamboulas de Paris pour faire place nette pour les JO de Macron en 2024, c'est lui qui a dévoilé le projet. Et faut lire ses articles, c'est hilarant, c'est hilarant. Je suis sûr que ce type était un électeur de ma... Mais j'en suis sûr, quoi. Et il a depuis qu'il a appris que les forges de l'enfer vont s'ouvrir tout près de sa... Bah c'est sûr que oui, c'est bien d'être de gauche, mais bon, quand tu as un puits à orque qui s'ouvre devant ta fenêtre, tu vois, ça sort en sautant et en foutant partout. Ouais, là, peut-être c'est pas pareil, quoi. C'est, non, c'est pas pareil. Non. Alors, du coup, tu sais tout ce qui se passe. Hein. Le mec, il est à fond, il est dans les conseils municipaux, il raconte tout dans le moindre détail. La gauche, c'est la. Alors, bon, à part les fous, les communistes qui, eux, veulent mourir, mais le glandu de gauche, il est généreux quand ça ne le concerne pas, si tu veux. Il est généreux avec le bien-être des autres. Bien sûr. Et puis, les sous des autres aussi. Hein. Bah, évidemment. Bah oui. Bah oui, forcément, évidemment. Par contre, il est pingre quand on parle de ses pensions et tout. Hein. Là, c'est fini, hein, la générosité. Bah, les pensions, oui, enfin bon. Oui. Ah, voilà. Alors, générosité toujours, rubrique numéro 2, autisme radical. Alors, bah oui, une erreur, c'est France Bleu qui nous en parle. Chers auditeurs, voilà une erreur. Il y a eu une erreur. Reconnaît la préfecture de Périgueux après l'expulsion le 30 mars dernier d'une ressortissante, ivoirienne en situation irrégulière. La jeune femme de 22 ans a été renvoyée dans son pays alors que la procédure en cours n'était pas terminée. L'information a été révélée par Mediapart ce vendredi 7 avril sur son site internet et est confirmée par France Bleu Périgord. Les policiers ont arrêté la jeune femme le 10 janvier après une dispute violente avec son compagnon où des coups avaient été échangés. La jeune femme avait porté un coup de couteau. Donc, bon voilà, ce qu'on appelle gentiment une tentative de meurtre, hein, c'est quand même un homicide. Non, c'est ce qui s'appelle. Oui. La vie paisible en Afrique, quoi. Oui, il y a une dimension féministe aussi, c'est-à-dire que c'est une femme battue qui a voulu se libérer de l'oppression patriarcale, donc finalement, un geste D'accord. libératoire. Suite à son interpellation, elle avait reçu une obligation de quitter le territoire le 11 janvier, car la jeune femme arrivée en France à l'âge de 16 ans, donc il y a 6 ans, n'avait ni papier ni titre de séjour. Cependant, elle a saisi 2 jours plus tard, le 13 janvier, le tribunal administratif pour contester cette décision. Vous imaginez bien que la négresse ne l'a pas faite d'elle-même. Elle n'avait aucun papier, elle n'était pas du tout... c'est pas les méandres de l'administration. Que s'est-il passé entre-temps ? Une avocate d'extrême-gauche a pointé son nez la fixer sur le territoire français. Faut-il le rappeler ? Probablement d'ailleurs... de la Ligue des Droits de l'Homme, de SOS Racisme ou de je ne sais quelle encore organisation subversive radicale. Alors, donc sur ce, donc elle fait appel, hein, voilà. Hein, donc, et là, les juges vont être saisis, les trucs, voilà. Cette procédure permet, le temps que le tribunal administratif statue sur son cas, donc d'expulsion, de suspendre l'expulsion en question. Malgré tout, et bien que le tribunal de Toulouse n'ait pas rendu de décision sur son dossier, la jeune Ivoirienne a été expulsée vers Abidjan le 30 mars dernier. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse a rendu son jugement qui annule le QTF le lendemain le 31 mars. Donc en fait, elle est foutue dehors le 30 mars. L'appel ne rend sa décision que le lendemain et annule le QTF. Vous savez que ça marche beaucoup le QTF puisque la jeune Lola a été tuée par une OQTF. La préfecture de la Dordogne assume la défaillance et déclare que l'éloignement n'aurait pas dû intervenir avant la décision du tribunal administratif. Donc avant que les juges de gauche décident de la maintenir en France, si vous préférez. Nicolas Dufaux, sous-préfet, déclare à France Bleu Périgord que la préfecture s'est rendue compte de son erreur dès le lendemain de l'expulsion, le 31 mars, et qu'elle a pris contact avec le consulat de France en Côte d'Ivoire, en urgence bien entendu. Selon le sous-préfet, plusieurs vols ont été proposés à la jeune femme qui n'a pas donné suite. Oui, elle est poursuivie pour tentative de meurtre. Ah bah, c'est... Oui, ça encourage pas tout de suite. Alors, attention, parce que France Bleu est quand même un peu déçu. Alors, voici ce qu'ils nous disent. Si la jeune femme revient en France, elle devra quand même demander un visa et faire une demande de titre de séjour. Elle devra également se rendre en main à son audience pour les violences. Alors, les violences, c'est pas une tentative de meurtre, c'est les violences. Hein. Les violences de janvier dernier, voilà. Alors, bon, alors comment c'est qu'on fait? Donc, Mediapart, hein, d'Edwige Plenel et de Monsieur Arfi. Ils veulent torturer cette négresse et l'envoyer... Pour avoir raison, pour le dernier mot. C'est-à-dire qu'ils veulent du mal à cette négresse. Ils veulent qu'elle soit... Bon, après, c'est... C'est-à-dire pour elle, c'est un petit... Enfin, elle a fait appel, mais je pense qu'elle n'a même pas compris les papiers qu'elle a signés, tu vois. C'est-à-dire que la gauchiste de service, tu vois, de l'association d'extrême-gauche... Ça veut dire que je dois aller à tribunal. Mais c'est ça le truc. Après, ouais, bon, la négresse, au bout d'un moment, le temps que ce qui est en bas remonte vers le haut, que ce qui est en haut remonte, tu vois, que ça cogite, que ça tourne. Donc, bon, en gros, le temps qu'elle soit en Côte d'Ivoire, elle est malade. Je retourne en France, je vais être condamné. Je ne veux pas retourner. Hop. Et voilà. Et du coup, évaporée dans la nature. Alors, le temps qu'elle refasse des papiers, qu'elle change de coiffure, qu'elle revienne sous un nom d'emprunt, et que les services de la préfecture l'oublient. Hein, voilà. Bah, du coup, Cardinal, vous en pensez quoi? Non, c'est une... non, mais le coup... Voilà, non, mais la diligence des autorités, c'est fascinant, quoi. Non, mais alors ça, c'est fascinant. Mais alors, le pompon, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que le pompon, c'est qu'elle a été expulsée. Enfin, c'est qu'elle elle a mis un coup de couteau, donc du coup, elle ne veut pas rentrer. On l'oblige à rentrer, les associés, tout le monde veut qu'elle... Enfin, tout le monde. Toute la machine autour de la... qui tourne autour des tribunaux et des expulsions, enfin, toute la machine politico-judiciaire fait... Mais le pied dans la porte. Et là, pour empêcher le moindre nègre de se barrer, c'est-à-dire que tout est quadrillé, en fait, déjà, tout est fait dans les lois pour que... ce soit pas possible d'expliquer. Normalement, ouais, voilà. Par hasard, quand il se trouve qu'il y en a un qui est barré, la terre tremble. Hein. La machine, la terre tremble, et donc l'administration se doit de faire en sorte de rapatrier ce bijou, quoi, ce joyau de la couronne, ce joyau de la République. Hein, et là, on tombe sur une situation où le joyau ne veut plus... Dans une situation où, finalement, peut-être pas. Quoi. Mais c'est le truc... Enfin, bon... On nous arrive d'extrapoler, d'imaginer des situations rocambolesques. Mais alors, celle-là, elle est pas mal. C'est-à-dire, l'expulse. Elle fait appel de l'expulsion, ouais. et on lui propose un truc pour rentrer, mais finalement, ouais, mais en fait, non, parce que. Ouais, donc j'ai mis des coups de couteau. Bah ouais, mais mets-toi à la place de la République, une belle négresse de 22 ans, elle allait t'en pondre des chiards, mon ami, des négrillons, au moins 4 ou 5. L'oiseau s'est envolé. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est... Hein, imagine ce qu'elle pesait de d'allocation. C'est hallucinant. Et puis toute cette lourdeur administrative, parce que ces gens-là sont payés, hein, ils sont nombreux, entre les fonctionnaires, les avocats payés d'office, la justice, la police, toute la partie logistique. Je sais pas si on a des gens qui sont dans le dans les comptes de l'État, qui sont un petit peu là-dedans, qui peuvent nous... Alors Emmanuel Macron est à fond dans les comptes de l'État. Hein, oui, non, mais des gens chez nous, je veux dire, qui pourraient avoir une idée de ce que peut coûter... ce que peut coûter par rapport au nombre d'OQTF prononcés déjà, hein, qui ne sont pas envoyés, le nombre d'OQTF prononcés, voilà, quel est OQTF, le... OQTF, c'est des cartes Panini, les OQTF. Ah oui, non, mais c'est une carte Panini. Non, mais attends, c'est pas ça, c'est une carte Panini, d'accord. Mais moi, je voudrais savoir quel est le coût, parce que pour arriver à ce que soit prononcé une OQTF, il y a plein... Enfin, il y a tout un tas d'étapes administratives, etc. Les flics, l'huissier, le ci, le là, l'électricité dans le tribunal, peu importe tout. Il y a des coûts. C'est-à-dire, moi, je voudrais savoir combien ça coûte. Combien ça coûte de, au lieu de prendre. Ah putain, je au lieu de voilà. Au lieu d'avoir une justice qui soit économique, efficace, c'est-à-dire, oh, tiens, un nègre, qu'est-ce que tu souhaites là vous avez le droit d'être là, s'il n'y a pas de preuve explicite qu'il a le droit d'être là, oui, bon, bonjour, au revoir. Quoi, hein, c'est facile. Hein, ça... Mais là, le processus qui prend, hop, on trouve un nègre en situation irrégulière, on lui met un OQTF, alors bon, là, il part, mais en plus, bon, il revient. Bon, mais dans la plupart des cas, il ne part pas, obligation de quitter le territoire, c'est, ouais, alors tu dois partir, hein. Hey, tu dois partir. Hein. Dans un mois, tu dois partir. Ok. Bon, il part pas. Hein, il part, jure, etc. Jure que tu vas partir. Ouais, tu promets que tu vas partir, hein, s'il te plaît. Hein. Hein, voilà. Bon, combien ça coûte? Moi, je veux savoir le coût d'un truc. Je suis sûr que ça doit, par OQTF, ça doit coûter dans les 20 000 balles. Je suis sûr que ça. Un truc qui sert à rien. Hein. Voilà, vu que multiplie le nombre d'OQTF par 20 000, tu dois avoir le prix global. Je pense que ça doit être là. Moi, pour moi, les droits de l'homme, ça se mesure jamais en argent. Oui, c'est. C'est le début du fascisme quand on raisonne comme tu fais. Oui, c'est le début du fascisme. Non, mais enfin, tous ces gens-là qui sont payés à rien faire, quoi. Enfin, c'est... Oh, comme tu c'est vas. Ça, rien. Alors, justement, je voulais m'arrêter sur un point de truc, c'est comment se fait-il que Mediapart a été informé avec une telle célérité? Ah, bah, c'est évidemment que c'est les avocats rouges, les juges rouges qui ont évidemment alerté les cellules marxistes, trotskistes, dans tous les tribunaux de France, qui ont alerté l'autorité centrale, hein. Mm-hmm. Et donc, monsieur Edwy Planel, qui est marié à Louise Lipstein, a immédiatement réagi, prenant évidemment la défense de cette pauvre négresse persécutée par les nazis. Moi, je comprends, hein, je veux dire, moi, je suis comme tout le monde, hein, je veux dire, j'ai des sentiments, des émotions, hein, j'ai de l'empathie, hein, j'aime tout le monde. Hein. Oui, je pense que, ma réflexion sur le coût de l'OQTF, c'est peut-être pour ça qu'en fait, il n'y a pas de... Même les partis politiques de gauche ne veulent pas, enfin, ne disent pas clairement que... Voilà, on ne veut pas d'expulsion. Oui. Parce que si on disait qu'il n'y avait pas d'expulsion, ben, il y aurait des gens qui... Non, toi, tu voudrais qu'ils disent... Pas, toi, tu voudrais dire on interdit les expulsions. Ça, tu voudrais dire, en fait, que, ouais, dans la loi, que dans la loi soit écrit, oui, voilà, il était interdit d'expulser quiconque. En fait, non, ils ne veulent pas, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des gens qui travaillent à rien faire, tu vois, à distribuer des papiers. Enfin, il y a toute une logistique de gens qui ne servent à rien, qui mangent, tu vois, là-dedans. Et il faut que, s'il n'y a pas d'expulsion, qui n'existe pas, hein, des expulsions voilà de comment dire de c'est le cadeau bonus quoi, hein, la carte qui voilà, c'est une carte qui sert à rien quoi. Mais je vois je s'il n'y avait pas ça, mais je vois y aurait des, en fait tu proposes il y aurait des gens qui n'auraient pas de travail. Tu proposes d'appliquer à l'immigration clandestine la même politique que pour le cannabis en Hollande. Ouais. En fait, on légalise l'immigration clandestine, comme ça, il n'y a plus d'intermédiaires. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. C'est qu'on n'expulse pas. Enfin, oui. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, si on le ferait pas. Si c'est légalisé, du coup, tous les parasites, ils ne servent plus à rien. C'est ça que tu veux dire, en fait. C'est ça que. C'est pas que c'est légalisé, c'est que. C'est qu'on n'expulse pas. Il n'y a pas d'OQTF. Il y a tout un biotope de gens là, qui sont là. Qui se sont greffés là-dessus pour manger, quoi. Hein, ouais, les juges, les avocats, des trucs comme ça. Ben même ces gens-là ne demandent pas à ce qu'il y ait des arrêts d'expulsion. C'est juste qu'ils veulent faire en sorte qu'il n'y en ait jamais, hein, qu'il y ait des trucs qui soient distribués, puis qu'ils font des recours où, voilà, on fait ouais, oui, non, ouais. Oui, non. Il y a tout. Ces gens-là écrivent, ils parlent, et puis ils facturent. Hein, ils facturent à chaque fois. Facturent. Et le nombre de nègres reste. C'est une. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, tu veux que le je système. Je suis pour la légalité. Non, mais j'avais compris. Je dis que ces gens-là n'appellent pas à supprimer. Enfin, parce que ces gens-là qui volent des nègres partout. Hein, ils n'appellent pas à supprimer les OQTF. Ils veulent qu'il y en ait et qu'elles ne servent à rien. Il faut que ça continue à être payé à rien faire. Enfin, à faire leur verbiage inutile. Quoi. C'est une économie. Ils ont besoin de ce théâtre pour justifier des factures, c'est tout. Exactement. Alors, avant de nous séparer, un dernier propos, on va écouter Romuald, qui est un Français qui en a marre. Il en a marre de payer des impôts en France. Vous allez voir que ça ne fait pas du tout l'unanimité chez les Français. On l'écoute tout de suite et on se retrouve. Romuald, est-ce que vous faites partie de ces 72% de Français pessimistes pour l'avenir de notre pays ? Je dirais oui, malheureusement. Malheureusement, parce que moi, j'en suis arrivé à un point où ça fait déjà plusieurs années que je vois le pays se dégrader à une vitesse grand V. Mmh. C'est sûr qu'on a, beaucoup de choses de très positives en France, mais c'est même pas ça qui fait. On a beau avoir une belle enveloppe, mais le contenu n'y est pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont négatifs, les gens sont pas sociables du tout, ils sont râleurs sans arrêt, ça n'arrête pas et ça se comprend. On est en train de perdre tous nos acquis sociaux. Pas mal de choses comme ça qui font qu'à un moment donné, il faut prendre une décision. Et moi, la décision, je l'ai prise avec ma femme et ma fille en l'occurrence, c'est que on va quitter la France. Ah bon ma femme et ma fille sont déjà partis. Moi, je vais les rejoindre fin du mois. Vous allez où? Au Portugal. Parce que, voilà, je peux plus. Dire, quand j'arrive au Portugal, je peux vous dire, il y a une telle bienveillance, une telle sérénité, une telle tranquillité que on n'a plus l'habitude de ça. Et pour vous dire un petit peu, j'y suis allé il y a 15 jours, et en partant, ma femme me ramène à l'aéroport, c'est à Faro. Hein. Ma femme me ramène à l'aéroport, et là, j'ai craqué comme un gamin parce que je me dis non, je vais retourner. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je finis mes clients, parce que j'ai un respect pour mes clients. Mais je finis mes clients et tous mes clients me disent mais t'as raison, barre-toi, tu peux plus, c'est plus possible. Même eux n'en peuvent plus. Qu'est-ce que vous aurez de plus au Portugal, Romain? La retraite, elle est à quel âge au Portugal déjà? C'est pas une question de retraite, je me dis même pas. On pense même pas à la retraite parce qu'on va recréer un autre projet avec ma femme et ma fille là-bas, on est en train de le faire. Mais on pense même pas à ça. Ce qu'on veut déjà avant toute chose, c'est bien vivre. Et quand je dis bien vivre, c'est pas dans l'opulence, c'est vraiment dans la tranquillité, dans la sérénité. Vous pouvez pas savoir ce que les gens aujourd'hui là-bas au Portugal pensent déjà de la France. Pas quelque chose de bon, et en plus sont d'une gentillesse incroyable, sont avenants, et ça nous change, on n'a plus ça aujourd'hui. Vous savez, moi, en vous disant ça, j'ai presque la gorge sincère, parce que c'est tellement bon qu'on se dit, mais moi qui suis français de naissance, je ne comprends plus aujourd'hui ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui on arrive à un point quand vous voyez, ne serait-ce que, je parle du président, je vais pas faire le procès, que ça je m'en fous, je parle du président, quand vous voyez Macron dans Pif Gadget, Schiappa dans Playboy, bientôt on aura Bruno Le Maire dans Picsou Magazine. Je crois que ça existe. Attendez. Alors, vous avez entendu, donc Romuald veut partir au Portugal, sa femme et son enfant y sont déjà, ils ont un projet professionnel, et ils sont lassés d'un peu tout, la qualité de vie, l'attitude générale des gens. Il y a beaucoup de non-dits, on sent hein, dans la prise de parole de Romuald, on sent qu'il n'a pas envie d'étaler totalement toutes les raisons pour lesquelles il a décidé de se barrer, mais enfin bon... C'est la décision qui est la sienne. Alors, sur ce, des réactions très virulentes ont suivi, auprès évidemment des auditeurs qui ne sont pas du tout satisfaits. Alors, je vais commencer par Thierry Bourret, qui sur Twitter était véritablement scandalisé par une telle attitude, attitude de déserteur. Voici ce qu'il dit. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, mais parfois il y a des surprises, hein, dit-il. Alors je lis la totalité de son message. La France est un enfer si on l'écoute, hein, donc si on écoute Romuald. 5 semaines de congés par an, 35 heures par semaine, la sécurité sociale, des subventions et allocations, en veux-tu, en voilà. L'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, mais parfois il y a des surprises, dit-il, donc à l'adresse de Romuald, qui est vraiment un mauvais contribuable. Ça colle un peu avec ce qu'on a dit avant. On a dit voilà, hein, la France, il y a quand même c'est une grosse pompe à taxes. Mais il y a une différence, il y a une petite différence aussi dans notre analyse, parce qu'on ne parle pas tout à fait du même angle. Je précise en effet que Thierry Bourret, qui est très hostile donc aux artisans qui touchent les allocations, je savais pas que ça existait. en fait, réside à Bangkok, hein, faut le savoir, après avoir travaillé pendant 30 ans au Royaume-Uni. D'accord. Et donc, il est installé là-bas de manière très confortable. Il raconte sa vie sur place et tout. Tout se passe bien. Et donc, c'est un heureux retraité. Donc, à Bangkok, en Thaïlande. Et donc, il dit, bah voilà, hein, les assistés français, on n'en peut plus, les artisans assistés. Ah, bah du coup, tout de suite, là, je commence avec Derek. Qu'est-ce que t'en penses, toi, les artisans qui font le fric Oui, il y en a marre de ces Français qui ne veulent pas... Bah, en fait, oui, c'est ça. Ce boomer ne comprend pas que Romuald ne veuille pas payer sa retraite géante, hein, pour continuer à profiter des faveurs sexuelles d'hommes thaïlandais avec des seins en silicone. C'est ça, hein, le message de ce Thierry, c'est ça ou je... Oui, Thierry Bourret. Hein. Ouais, c'est bourré, n'est-ce pas? C'est bourré, voilà, oui. Les ladyboys thaïlandais, même après discount, bon, il faut les payer, hein. Ouais, bah oui, il faut. Enfin, voilà, donc lui profite d'une retraite. Bien méritée. Bien méritée. Hein. Lui, il a mérité. Il a bien mérité. Il a cotisé, donc il a droit. Il a droit d'aller. De ne pas dépenser. La retraite chez ceux qui la financent, mais ceux qui financent n'ont pas le droit de quitter le truc. C'est une mafia, quoi. Hein. La France, c'est une mafia. Les boomers se comportent comme des vrais mafieux. Si tu veux quitter le truc, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Voilà. Vous êtes captif. Vous êtes captif. Voilà. En plus de tout ce qu'on savait déjà et ce qu'on va continuer à voir un petit peu après. Ces gens se comportent, dans leur état d'esprit, ils te parlent comme des chefs mafieux. Tu vois, tu veux te barrer, tu payes pas, tu t'en vas comme, tu crois que ça va se passer comme ça, hein? C'est ça, ce bourré là. Non, mais c'est Don Corleone. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est une génération de mafieux. C'est une génération. Après tout le reste, hein, génération. Là, c'est en étant vieux, ils deviennent de plus en plus agressifs. Hein, c'est un petit signe de faiblesse, quand même, j'ai envie de dire, mais bon. Ouais, enfin de faiblesse. En tout cas, d'inquiétude, on va dire. D'inquiétude. Bon, disons non, mais que, ils ont. Bon, c'est Macron est là, donc ça va, c'est pas la panique. Mais... Voilà, Macron est là pour garantir, quand même, hein, le fils prodigue. Hein, c'est, je pense qu'ils aiment beaucoup en ce moment la séance de ton fa là en ce moment. Tu sais quoi, statistiquement, ce que je dis est absolument vrai. Il y a au moins en France une boumeuse qui s'est masturbée sur les images de flics qui ont tabassé des manifestants en pensant à Emmanuel Macron. Si! Si! Ah ouais, c'est sûr. Ouais, on sur les millions et les millions et les. Peut-être même plus dur. Ah oui, mais je tiens à être conservateur dans mes évaluations, n'est-ce pas? Mais n'empêche que, imaginez ça, et ça a eu lieu, ça a eu lieu, ça a eu lieu, ça a eu lieu. Ça a eu lieu. Ouais, vivez avec cette image. Voilà. Hein voilà. Ça a eu lieu. C'est la réalité. Ça, on est sûr que ça a eu lieu. D'autres choses, on ne sait pas, mais ça oui. Hein. Le royaume de Dieu sur Terre. Voilà. La France de Jeanne d'Arc. Voilà, voilà, voilà. C'est absolument mais vérifié. Absolument. Donc après les nègres, on importe des nègres pour payer les retraites, enfin pour payer le, pour alimenter la chaîne, la pyramide de Ponzi du système des retraites quelques années juste pour profiter. En fait c'est ça quoi, ils savent que leur truc ça marche pas. Quoi. Hein, des nègres pour payer, enfin faire travailler des nègres pour payer des cotisations, non ça, bon au final ça peut pas marcher. Donc quand tu vois un indice que quelqu'un de productif. Donc, c'est une vache à lait, hein, une vache à lait fiscale. Et sa famille, en plus, c'est ça qui est plus... Et sa famille, quoi. Ouais, c'est ça, oui, en plus... Ouais. Oh, le salaud, en plus, des potentiels... C'est définitif, fiscales, tu vois. C'est, ouais, c'est les enfants. Enfin, c'est vraiment la... C'est la fin, quoi, c'est sûr. Bah, c'est la... Oui, c'est... Putain, c'est tout ce pognon qui s'en va, quoi. Hein, c'est toute cette main-d'œuvre qui va pas pouvoir être utilisée pour... Voilà, pour lui aller se faire faire des trucs par des hommes thaïlandais. Masser les couilles par des ladyboys, effectivement, oui. C'est ça. C'est terrible, quoi. Le type est choqué, quoi. Enfin, il est, voilà, son monde s'effondre. Bah, c'est le nazi- c'est, oui, c'est le nazisme. C'est le, oui, c'est le nazisme. Le nazisme. Je dirais. Ou pas loin d'eux, quoi. Alors... C'est pas la seule réaction, hein, parce que donc ça c'était ouais, Thierry Bourret a le droit bien évidemment de vivre en Thaïlande, hein, on lui dénie pas ce droit. Oui, il a le droit d'avoir le sida, en fait. Il a le droit d'avoir le sida. Oui, oui, mais écoute, pourquoi pas, c'est un style de vie. Et après, je me demande si Thierry Bourret se fait payer sa PrEP par la sécurité sociale en étant. Ah bah pourquoi pas, il a cotisé, mon ami, il a travaillé dur toute sa vie. C'est une bonne question, faudrait lui demander. Oui. Ouais. Bah, j'ai vu que le gouvernement français, par la voix du ministère de la ministre libanaise de la Culture, a protesté contre l'interdiction de, enfin contre l'annulation du concert de Bilal Hassani, donc le travesti marocain qui voulait se donner en spectacle au sens strict, hein, dans une ancienne basilique. Gérald Darmanin fait savoir qu'il se saisissait du dossier. Voilà, les travaux vont danser dans les basiliques en France, bordel. Ouais, travaux. Nous sommes en République. Et ça va finir par se savoir. Non, moi je suis indigné. Moi, je suis comme Thierry Bourret, je suis scandalisé. Alors, il y a pas que lui, hein. Il y a aussi. C'est à toi de me dire où toi tu les situes exactement. Hein. Moi, j'ai une idée de qui c'est, mais c'est à toi de me dire. Alors, il y a des pseudos, mais je vais quand même les donner. Alors, c'est Carole Laluciole, qui a un petit drapeau français, un petit drapeau ukrainien, qui dit ceci. Ils reviendront se faire soigner. Donc, sous-entendu, le couple. Hein. Voilà. Les salauds. Alors, Mélanie... Attends, Mélanie Collet dit ceci. Dans ce cas, si vous avez besoin de soins médicaux, la France ne devrait pas les payer. Quand on quitte le pays, on devrait perdre tous les avantages, allocations et soins, ainsi que les droits à la retraite, puisqu'ils ne cotisent pas. Ah, visiblement, la retraite, c'est un sujet, hein. François, attends quand même. François, bon voyage, surtout jetez votre carte de sécu. Hein, Auger Guillaume, qu'il n'oublie pas de laisser sa carte vitale avant de passer la frontière. Ah, d'accord. C'est un truc de fou. Hein. Alors, Vérole humaine, bon, c'est marqué dessus pour le coup. je suis sûr. Je suis sûr qu'il a jamais fait de blague. Un électricien mort de rire. Au fait, le jour où quelqu'un de ta famille vient pas te faire soigner en France, voilà, alors c'est écrit avec des fautes d'orthographe, c'est soigner, S-O-I-G-N-I-E-R, ok ? Bon, courage. Pierre Arnaud dit ceci, ciao, et ne revenez pas pour vous faire soigner en France. Ça revient constamment à l'histoire des soins. Hein. Donc, oui, alors bon... Attends, c'est pas fini, The Iceman, ok, et quand il sera malade, il viendra se faire soigner ou gratuitement, comme la plupart, tu vois, profiteur de merde, c'est ce qu'il a envie de dire. Hein. Et Drezeg, il y en a d'autres, hein, voilà. Évidemment, en partant, il rend sa carte vitale, c'est juste, son cancer ou autre sera bien soigné au Portugal. Pose-t-il comme question. Alors, c'est tout à fait sidérant parce que, je veux dire, c'est. Non, mais il y a un culte de la sécurité sociale. Bon, après, c'est vrai qu'eux, ils sont bien garnis, ils ont tout. Non, mais je découvre un truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'hôpitaux en dehors de la France, en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais les Français croient vraiment que le système système médical français est le meilleur au monde. Quoi. J'ai des doutes, en toute honnêteté. Ah bah, oui, c'est plus que des doutes, mais enfin, c'est ça le truc qui leur vient dessus. En fait, c'est ça. Ce sont tous des putains de malades. Ils sont tous plein de trucs à droite, à gauche. Mais c'est ça. Putain, mais c'est le digénisme total. Quoi. Ces gens ont proliféré comme des cafards parce que la sécurité sociale. Donc, en fait, ils ne voient que. Enfin, la sécurité sociale, c'est Dieu. Quoi. C'est la nouvelle église. C'est ceux qui donnent la vie et ceux qui la gardent et ceux qui jusqu'à la fin ils seront pris en charge par la sécurité sociale. C'est Dieu. Ils ont trouvé leur Dieu. C'est pour ça que c'est un blasphème. Tu pars de la France, tu blasphèmes Dieu, hein, donc la sécurité sociale. Oui, donc, et puis tu refuses de payer l'aumône aussi, hein, c'est le problème. La dîme. Le devoir du croyant, quand même, là, c'est pas terrible, quoi. Nous avons affaire à des fanatiques religieux. C'est du fanatisme. Alors, du coup, moi, je comprends pas, parce que ces réactions unanimes, donc visiblement, pour eux, c'est très clair, quand on quitte la France, il n'y a pas d'hôpitaux ni de médicaments, il n'y a pas de cachet. Au Portugal d'ailleurs, hein. Il faut bien préciser. Hein. c'est pas au Congo. Il faut bien préciser, voilà, c'est au Portugal, donc tout ça. T'as l'impression que c'est la fin de la civilisation, quoi. Tu franchis les Pyrénées. Mais je me pose la question, je veux dire, d'après eux, dans leur réaction, c'est clair que tu franchis les Pyrénées, tu n'as pas de soins, c'est fini. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que tu cotises. Par contre, c'est ça. Dans l'autre sens, c'est vrai. C'est selon si tu participes au système ou si tu profites du système, c'est pas pareil. Si tu payes les retraites et que tu quittes le système, si tu vas au Portugal pour échapper à ça, pour payer les retraites géantes des boomers. Putain, t'es un enculé, en plus tu blasphèmes la sécurité sociale, t'es un fils de pute, tu dois crever. C'est ce qu'ils disent, hein. Il lui souhaite cordialement un cancer. Par contre, quand tu vas profiter de ta retraite géante au Portugal en ne payant pas d'impôts, là c'est plus pareil. C'est plus pareil. Il n'y a plus le même. Mais c'est aussi le cas quand les Africains viennent en France pour se faire soigner gratuitement. C'est la même chose. C'est les mêmes mecs qui réagissent de manière indignée qui te cracheraient à la gueule si tu dirais qu'il faut supprimer la CMU, par exemple. Tu vois, ils seraient... Quoi, supprimer la CMU, bande de fascistes, il y en a marre, tu vois. Alors, par contre, je ne comprends pas un truc. Parce qu'ils nous décrivent bien, voilà, la France, c'est un paradis. Voilà, tout le monde est soigné. Et puis, dès que tu sors, on crève. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon, une prise de parole tout à fait indignée... a dit ceci, hein, c'était en date du 17 décembre 2022, c'était il y a 3 mois. Il déclare ceci, la France est entrée en carmondisation. Le train, l'école, l'hôpital, plus rien ne marche. Je comprends pas, on n'a pas le meilleur hôpital du monde. Il faut beaucoup m'expliquer, parce que moi quand j'écoute les gauchistes, l'hôpital ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a même plus une piqûre de morphine, enfin, c'est fini, tout le monde meurt, quoi, ok. Moi, quand j'ouvre un média de gauche, Mediapart, Le Monde, Libération, les influenceurs, ils sont tous unanimes. C'est-à-dire que l'hôpital français a cessé d'exister. Tout est en ruine, on meurt. Mais quand t'as un mec qui veut se tirer du système en disant « Bon, salut les gars, moi je me casse », les mecs te disent « Eh, enculé, rends ta carte de sécurité sociale, rends tes privilèges, espèce d'empaffé, tu vois ?» je comprends pas. Leur système, c'est le meilleur du monde. C'est le meilleur du monde où il marche plus. J'aimerais comprendre, tu vois. Non, mais en plus, quand tu es résident à l'étranger, tu peux garder... Enfin, si tu veux garder la sécurité sociale, tu dois payer, en plus. Hein, faut avoir envie... Enfin, je sais pas. Voilà, c'est payant. Oui, mais t'es un salaud. Donc, ouais, parce que tu payes moins quand même, ouais, peut-être. Oui, ouais, parce que tu payes pas les taxes en fait. Tu payes, c'est surtout, oui, c'est par les dépenses indirectes que tu payes. Ouais. Alors, comment dire, donc voilà, alors donc il s'est fait seulement insulter. Alors, du coup, moi j'en viens du coup, parce que c'est ça que tu dis en fait. Bon, en fait, la question, voilà, payer les impôts, ouais, mais. Ouais. Alors. Moi je veux quand même te rassurer. Parce que tu sais que Emmanuel Macron est censé quitter le pouvoir en 2027. Bon, d'ici là, on aura une troisième guerre mondiale. Il va peut-être se faire voter les pleins pouvoirs, que sais-je, union sacrée. Non, il mettra Bérou. Il mettra Bérou. Ouais, Bérou. Mais justement. Ou Édouard Philippe, là, avec sa gueule de. Il fait peur, lui, par contre, avec ses. Il a perdu toutes ses. Oui, oui. Bon, oui, c'est... oui. Il est tout. Oui, il est tout. Oui, il est vilain. Non, mais attends, je veux dire. Aux enfants, quoi. Bah oui, et puis même pour la boumeuse, bon, même de la meilleure volonté, tu vois, je veux dire, elle va pas se doiter sur Philippe, hein. Ça va être compliqué, hein, je veux dire. C'est bon. Ça. Bah oui, parce que, oui, alors je vous dessale un peu, les gars, les femmes votent uniquement sur le physique. Ok, merci. Ouais. Voilà, elles votent uniquement sur le physique. Alors, non, mais attends, tout est sous contrôle, parce que, donc, il va y avoir une alternance. Je pense pas, mais enfin bon, théoriquement, oui. Et donc, on va avoir ou le Front National ou la France Insoumise. Mais en fait, on va avoir les deux, parce que les deux ont la même idée. Alors, je te présente ça, c'est l'impôt universel. Les fuyards n'ont qu'à bien se tenir. Les déserteurs sont carrément dans le viseur. Alors, je te lis ça. Donc, c'est une proposition de loi. Alors, côté LFI NUPES. C'est le retour de l'impôt universel tel que le prévoyait Jean-Luc Mélenchon dans son programme présidentiel. Il s'agit d'une taxation en fonction de la nationalité ou d'une durée significative, donc de résidence en France, et porterait sur des revenus, y compris lorsqu'ils sont perçus dans un autre pays que la France. D'accord ? Donc, tu es à l'étranger, tu travailles à l'étranger, tu es salarié dans une boîte étrangère, tu payes ton impôt de revenu en France. Bah oui, c'est ce que... Je crois que c'est plus ou moins ce qui se passe pour les États-Unis. Hein. Oui, on appelle ça une laisse. Oui, non, mais c'est ça. Hein. Alors, concrètement, l'administration fiscale comparerait les impôts versés par la personne à l'étranger et le montant que celle-ci aurait dû acquitter si elle était restée en France et lui ferait payer la différence. Cette mesure ne s'appliquerait qu'aux pays dont la fiscalité est inférieure de plus de 50% à celle de la France. Cette proposition, déjà évoquée à l'occasion d'un rapport parlementaire, a été balayée par le rapporteur général du budget qui a souligné d'une part que notre système fiscal est basé sur la domiciliation, nullement la nationalité, et qu'elle contrevenait aux conventions fiscales bilatérales signées par la France. Donc ça, c'était les macronistes qui ont répondu ça. Le député de la 5e circonscription des Français de l'étranger n'a pas manqué de souligner que ces propositions faisaient des Français de l'étranger des exilés fiscaux, dénonçant le mépris du RN et de la LFI envers les Français établis à l'étranger. L'élu de la péninsule ibérique, puisqu'en fait c'était le macroniste en charge des Français d'Espagne et je crois aussi du Portugal, a tenu à rétablir la vérité sur les raisons de l'expatriation des jeunes, ouverture sur le monde emploi aventure à l'étranger, bien éloigné des considérations fiscales. L'amendement n'a finalement pas été adopté, malgré le vote du RN et de la LFI. Alors, Marine Le Pen, excusez-moi, elle a un projet pour Mayotte. Et ça ne va pas se financer tout seul, ça, mes amis. Donc, si vous êtes par ailleurs, ce que j'aime bien, il y a des Français qui sont partis s'expatrier en Europe de l'Est. Alors, je ne sais pas pour eux en Ukraine, enfin, en Pologne, ou dans les Pays-Baltes, ou je ne sais où, hein, mais enfin, chez les Blancs. Alors, le RN, d'accord, est nationaliste. Il est cocardier, il va défendre la France jusqu'au bout. Et les déserteurs comme vous, les traînes la patte comme vous, on va les trouver. On va les trouver, on va aller les chercher. Parce qu'il faut construire Mayotte, parce que Mayotte a des besoins. Je vous rappelle qu'il y a 11 000 naissances chaque année à Mayotte, de nouveaux musulmans français. Ben oui, quand même, hein, voilà. La maternité est saturée, on va construire un deuxième hôpital, il est en voie de construction, mais ça traîne et il en faut. Il va une autre maternité, donc il va falloir que ça... L'or bleu qui va nous rapporter du pognon, il faut d'abord le financer. Et là, ça se passe pour vous. Donc j'aimerais vous rappeler qu'à l'Assemblée, les patriotes se mobilisent, de gauche et de droite, et voilà. Et donc ils ont bataillé récemment, c'était très récent ça, hein, pour essayer de faire cracher au bassinet, oui, les boomers, mais aussi les plus jeunes qui se sont tirés, parce que voilà. Et j'espère que ça... Bon alors, sous Macron, non. Mais peut-être qu'après, on va pouvoir corriger le tir. Oui, parce que effectivement, là, ça s'attaque aux expats plutôt qu'aux boomers. Les boomers, en fait, c'est très simple. Impôt sur le revenu quand t'es boomer. Ce sont les Français. Tu rigoles, t'en as, ils en ont, hein, quand même. Hein. Oh, ouais, ils en ont. Ils ont, si, si, ben, ils ont des grosses retraites. Et c'est pour ça qu'ils se barrent, d'ailleurs. Hein, parce qu'ils payent des impôts sur leur retraite. Ouais, mais en Portugal, ils ne payaient pas d'impôts sur revenus. Non, ils n'en payaient pas. Pendant 10 ans, ils étaient exonérés. Voilà, voilà. Ils payaient zéro. Voilà. Zéro. Ils étaient exemptés. Oui, exemptés, mais bon, même. Bah, oui, si, c'était sur la domiciliation. Ouais, parce que c'était la domiciliation, c'est ça. Et donc, bon, là, ça serait une bonne chose. Mais non, mais le problème, effectivement, c'est tous les gens qui sont partis, qui ont quitté l'asile, quoi. Qui ont quitté l'asile, et puis, pour vivre leur vie, pas financer le grand babouina. Et là, ce truc-là, c'est non, mais tu t'es parti, mais en fait, t'es lié, voilà. Donc, c'est-à-dire, la seule solution, ça serait de se faire naturaliser ailleurs et d'abandonner la nationalité française, qui doit être un parcours du combattant, je pense. Hein. Ben, en fait, si l'État refuse de te la laisser abandonner, tu l'abandonnes c'est plus simple. Hein. Oui, c'est ça. Bon, donc, non, quand il a une laisse, il ne va pas la lâcher comme ça. Hein, c'est sûr. Après, avec toutes les technologies aujourd'hui, tous les trucs numériques, c'est bien, on peut tout savoir. Même si on est, antisémite, il nous oblige à être français, si tu veux, je ne sais pas comment ça se passe. Surtout si tu es antisémite. Parce que vu que c'est contraire à la République, peut-être qu'on peut, ouais, on peut trouver... Oui, mais du coup, c'est complètement compatible avec la détention. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Les retraites, c'est très simple. Les retraités, quand ils vivent à l'extérieur du pays, ils devraient avoir une retraite de 40% de moins, c'est tout. Hein. C'est simple, ceux qui payent leur retraite sont sur place. Il n'y a pas de raison qu'ils aillent en profiter, enfin qu'ils aillent dépenser les sous ailleurs en faisant pas tourner l'économie locale. Tous les mecs qui vont se faire dorer la pilule au Maroc, etc. Et puis bon, là dernièrement au Portugal où c'est indécent. Quoi. C'était indécent, hein, maintenant ça se corrige. Hein. Non, c'est toujours, hein. Enfin, c'est toujours pour l'instant. Enfin, ils veulent peut-être mettre en place. J'explique pour le Portugal. En fait, c'est pas le Portugal qui a voulu le faire, c'est qu'en fait les Français ont tellement hurlé que le Portugal a cédé. C'est les autorités françaises qui ont fait pression sur le Portugal pour qu'il arrête avec son régime préférentiel sur l'impôt sur le revenu. T'es sûr ? Ouais, c'est toujours là. Hein. Non, Ah oui, j'ai pas dit que c'était encore en place, mais c'est pas le Portugal qui de lui-même a pris l'initiative de changer ça, c'est la pression française. Ils ont dit maintenant vous les faites cracher. D'accord, ouais, mais enfin, il y a toujours des nouveaux qui arrivent et pour 10 ans ils peuvent toujours avoir le jackpot. Quoi. C'est toujours ça. Mais au bout de 10 ans, ouais, ils sont pas renouvelés. C'est, pour l'instant, en tout cas, c'est pas. Il n'y a pas de renouvellement. Bon, là, on était sur l'impôt sur le revenu. Donc, de toute façon, hein, la France l'État français a conscience qu'il y a des gens qui se barrent, parce que je crois qu'il y a 2,5 millions de Français en dehors de l'Hexagone maintenant, hein, et qui ne veulent pas payer, en fait, qui fuient la France. Et l'État français cogite à trouver une solution. Oui, alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui partent, c'est pour ça qu'on nous dit oui, en fait, le solde migratoire, l'immigration, c'est pas vraiment un problème parce que, en gros, ce qui rentre, ça compense ce qui sort. Oui, mais c'est pas pareil, quoi. C'est bac plus 5 qui sort et bac moins 5 qui arrive. Enfin, c'est des humains qui s'en vont et des singes qui arrivent, quoi. Oui, exactement, oui, oui. Ouais. D'où la crise sur les recettes fiscales qui ne fait que ça. Ben oui, parce que s'il n'y a pas d'humain pour faire tourner la machine, si tu veux, les singes dans les centrales nucléaires, Startup Nation, problème. Toutes les politiques publiques consistent vraiment à... Bon, déjà, ça consiste à dégueuler sur les blancs 24 heures sur 24, en gros. Hein. Donc, si tu veux, juste à les encourager à se tirer, hein, c'est tout. Hein, c'est, si t'es un blanc qui. Bon, t'as des gens, si tu veux, pour 20 000 raisons, ils peuvent pas. Mais t'as des mecs qui peuvent. C'est souvent ceux-là qui se tirent, en fait. C'est ceux qui ont des bons revenus. Et ils se cassent. Ils se tirent. Ils se tirent avec leur savoir-faire. Ils se tirent avec leur revenu potentiel. Ils se tirent parfois avec leur entreprise. Le patrimoine, machin. Et, écoute, t'as intérêt d'en faire venir, hein, des négros qui livrent des sandwichs par vélo pour faire la différence. Hein. J'ai vu que sur Paris, je sais plus en combien d'années. Les multimilliardaires, genre les types qui avaient 10 ou 100 millions d'euros, quoi. Y a une fuite, quoi. Hein, clairement, tu vois, les mecs riches, voilà. Déjà, ceux-là se barrent. Donc, tu as tout le reste après, il y a toute la logistique qui suit. Donc. Moi, j'aimerais bien qu'on mette Mélenchon au pouvoir en France. tu vois, c'est pour... Ouais, tu vas dire Mélenchon ou Marine Le Pen, ça serait intéressant. De... Ça, les deux, ouais, ouais, ouais, les deux seraient marrants, ouais. Ouais, ouais, ouais, ce serait bien, ouais. Parce que l'autre, là, ouais, enfin, le camp macroniste, enfin, le camp... Le camp du... de la défense du bien-être des boomers, du tiroir caisse, du coffre-fort des boomers, et de la bienveillance à l'égard des nègres, ça, de toute manière, ça ne peut arriver que pour nous que ça, fait, ça ne peut déboucher que sur de l'ultra, comment dire, une société ultra, qui contrôle tout, hein, du contrôle total. Ah bah forcément. Contrôle, oui, total de la vie. Là, entre, enfin, voilà, on a parlé, hein, le Covid, le rationnement énergétique, le rationnement de tout en général. Oui, oui. Voilà, bah c'est, oui. Ça, c'est ça l'horizon, quoi. Là, c'est le début. Ce qu'ils mettent en place, c'est le rationnement généralisé. Hein. Au début, voilà, dès qu'on arrivait à l'essence à 2 euros, ouais, ils mettaient un truc, exceptionnellement pendant 6 mois, on met 15 centimes de moins. Ok. Bon, maintenant, c'est à 2 euros et quelques, bon, mais on le met plus, tu vois. C'est-à-dire que c'est. D'abord, les gens s'habituent, ils scannent en fait. Le palier, voilà. Ben oui, bon, après ce sera 2,50€ et 3 euros, quoi. Voilà, il y aura c'est du push-pull, tu vois, on fait du. Quand ça montre un petit peu trop, allez hop, on met un petit peu de pommade, ça se calme un petit peu et hop, on repart de plus belle. Oh, moi j'appelle ça de la vaseline, moi, plutôt, plus que de la pommade. Hein, c'est... Ouais, oui, oui. On est quand même dans de l'hyper-sodomie, là, quand même, je dirais. Ouais, ou de la brûlure, si tu veux, c'est plutôt de la bière fine, là. On est débrûlé. Non, mais les gens ont l'air à l'aise, hein. Ils gueulent un peu leur retraite, mais bon, ça va, c'est pas... C'est l'électricité, ça a augmenté de 15%, je crois, encore, en février. Bonjour, salut, ça, d'ailleurs, au fait, ça va augmenter de 15% l'électricité. D'accord, ok, pas de problème. Ouais, ça va. Ouais, mais ça va, hein, rassurez-vous, les Noirs dans leur banlieue, ils ont pas froid, hein, ça va. Hein. Non, ça va, non, c'est pour les classes moyennes, hein, blanches, là, ouais, bon... De toute façon, c'est des privilégiés, hein, donc il est temps de serrer un peu la vis, quoi. Tu vois. De toute façon, on leur explique, c'est pour la planète. C'est bon, c'est cool, ça va. Tu vas sauver des ours blancs. Tout va bien se passer. Tu vois, ça va. Tu vois les nègres à basket, en Nike et tout. Ils ont la tête, tu vois. Je sais pas, les gens, ils tiltent ou pas. J'ai pas l'impression, hein, mais ils sont logés dans les châteaux, tu vois. Normal. Y a pas de problème. Tu vois, non, mais pose pas de questions, c'est normal, c'est le social. Empreinte carbone. Réfléchis pas. Tu vois. Et les gens, ils sont là. Ouais, putain, c'est incroyable, quoi. Mais je pense que comme ça risque de caler, là, je pense qu'ils vont nous remettre un petit truc de panique, là. Tu vois, ce serait pas mal. Un petit truc bien flippant. Pour que les gens, ils arrêtent de réfléchir. Parce que tu sais, là, je sens qu'ils sont. Ils sont un peu mi-figue, mi-raisin, là, ils traînent un peu, tu vois, ils sont là, tu vois, ouais. Il y a quand même très peu d'islam radical en ce moment, je trouve. Oui, ça manque. Non, mais c'est vrai. C'est, On peut mettre un peu, hein, c'est pas un problème, hein. Je veux dire, on allume quelques boutons, ça se déclenche, hein. Tu vois, je veux dire... Oui. Non, mais bon, écoute. Enfin bon, Romuald est un salaud. Il a quitté le bateau, le salopard. Enfin, ouais. Pas encore t'as fait, mais il va. Et les femmes et les enfants d'abord. Bah écoute, Romuald, t'es vraiment un mauvais français. Bon, t'étais peut-être portugais à la base, mais t'es quand même un mauvais français. Hein. Je veux dire, c'est un peu facile. Hein. Je veux dire, c'est un peu facile. J'ai vu un truc là-dessus justement. C'était génial ça. Rien à voir, l'Ukraine. Alors je regardais les trucs sur les réfugiés ukrainiens et tout. Voilà, je regarde et tout. Puis je tombe sur un cas particulier, les Noirs réfugiés d'Ukraine en Hongrie. Ah oui. Alors je suis là, ouais, qu'est-ce qui se passe quoi? Je regarde ça, qu'est-ce que c'est que ça? Des Noirs réfugiés d'Ukraine, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est de cette année, hein. Et alors je découvre un noir, donc je sais plus quel média l'interroge, je crois que c'est un média allemand. Et c'est un noir et tout. Il est là, ouais. J'aurais cru un média breton. Non, il a un bob et tout. Et alors il explique et tout. Ouais, mais ça fait 20 ans que je vis en Ukraine et tout machin. Ouais. Donc c'est un musicien, donc il faut rien quoi. C'est un musicien, il fait du bruit quoi. Ben, c'est un nègre quoi. Et alors, on découvre dans le reportage qu'il a une femme ukrainienne. Ok. Et alors, il dit que sa femme arrête pas de l'appeler pour venir se battre. Devant une telle détresse, l'association Beyond Borders Budapest livre chaque jour des repas à 58 réfugiés africains. Grâce aux démarches des bénévoles, ils sont aussi logés. Une vingtaine vit dans cette maison de retraite. Parmi eux, Nicolas. Le 5 mars dernier, ce chanteur ougandais laisse derrière lui 20 ans de vie, dont 15 de scène, dans un pays qu'il a fait sien. Sa femme ukrainienne lui demande de se battre, mais sa couleur de peau le rattrape. Je ne veux pas être dans une situation où un Ukrainien cinglé, on va dire cinglé, qui ne m'aime pas parce que je suis noir, me tire dessus en premier et met ça sur le dos des Russes. Je ne veux pas être dans une situation où un Russe me tire dessus et met ça sur le dos des Ukrainiens. Le chant et le rire pour ne rien laisser transparaître. Derrière la pudeur de Nicolas, des milliers de vies brisées qui devront se reconstruire ailleurs. Car ici, tous se sont déjà fait à l'idée que l'Ukraine est désormais derrière eux. La nana, quand même, qui imagine que le nègre va aller se... Enfin... Non, mais la pauvre, elle n'a pas de lumière à tous les étages, quoi. Ben, apparemment, c'était pas en plus une poule d'occasion, hein. C'était sa femme, hein. C'était vraiment... Ouais, Voilà, bon, le nègre reste le nègre, hein, ça n'empêche pas d'aller saloper des blanches à droite à gauche. Enfin, quand même, c'était son officiel, quoi, voilà. Et elle restait la plaie. Ouais, ouais. When you come back, oui, oui, viens te battre pour l'Ukraine. No, you're crazy. Du coup, il fait sa nouvelle vie maintenant à Budapest, c'est ce qu'il expliquait, voilà. Et voilà. Et donc, tout va bien. Et voilà. Non, mais c'est bien. Voilà, donc je voulais terminer sur une note positive, quoi, une note un peu plus enjouée, qui montre que tous les expatriés sont pas des salauds, quoi. C'est quand même bizarre que ça paraît arriver en France. Quoi. Des Noirs qui fuient leurs obligations militaires en Ukraine? Bah non, mais je pense pas qu'il ait d'obligations militaires particulières, il est pas ukrainien. Celui-là non, mais comment dirais-je, on a eu beaucoup d'Ukrainiens très noirs, hein, qui sont arrivés en... Bon, ils sont pas ukrainiens, c'est des immigrés qui ont la carte de séjour, quoi, là-bas. Allons. Ah, tu crois que ça naturalise là-bas? Je crois pas. Hein. Je pense pas. Il va falloir reconstruire l'Ukraine, ça c'est sûr. Et je pense qu'il faudra... Zelensky va sûrement... Ouais. Alors, il a perdu quand même... un bon paquet de sa population quand même dans son projet là. D'après les études d'opinion, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui n'ont pas d'Ukrainiennes pour le coup, qui n'ont pas l'intention de revenir en Ukraine. Hein, je veux dire, donc ça va être compliqué quand même. Hein. Donc il va bien falloir que des gens reconstruisent le pays. Alors moi, sauf à aller chercher en Inde, au Pakistan et en Afrique, je vois pas où aller trouver. Hein. Je pense que les Polonais vont être tout ravis de venir reconstruire et puis de rester. Quoi. Ah oui, aussi, oui, bah oui. Hein. Ah tiens, il y a de la place. Je pense qu'ils ont besoin d'une bonne intervention humanitaire en Ukraine, tu vois, genre un truc, Polska, tu vois, on est venu vous sauver. Nettoie mes chiottes maintenant. c'est ça. Voilà, ouais, bon écoute, bon, ça c'est un projet en cours. Ça s'appelle l'altruisme intéressé. Tout à fait, ouais, en sachant que les Polonais sont eux-mêmes au service des Juifs, hein. Quand même le rappeler aussi. Oui, bon. Enfin, ils aiment bien. Mais bon, toujours en ayant en vue leur. Ouais, toujours un regard sur le champ de patates du voisin. Ça, c'est toujours. Ouais. Mentalité de paysan. Ouais. Bah, d'ailleurs, tu vois, leurs dirigeants, ils ont des gueules de paysans, hein, si tu fais attention. Hein, je veux dire. Ils ont des gueules de patates enflées, si tu fais gaffe. Oui, bah, bon, leur président, ouais, tu voulais parler des slaves, je sais. Oui, surtout de cette partie-là. Quoi. Voilà. Les mêmes moites. bref. Les curés qui bandent. La. Comment dire là en fait. tu l'as retenu. La Sainte Pologne, la Sainte Pologne. Oh, bon, j'ai vu aussi que les Lituaniens ont un projet impérial. J'ai complètement découvert ça, moi aussi. Ouais, en Biélorussie. Donc, les Polonais, c'est l'Ukraine. Et la Lituanie, c'est la Biélorussie. Voilà. Alors, pour nos auditeurs, avant qu'on se sépare, donc la Lituanie, c'est 3 millions d'habitants. Donc, c'est une ville, quoi. Et donc la Biélorussie, c'est un pays quand même à la base. Hein. C'est beaucoup plus ouais, mais alors c'est grand, mais c'est quand même vide. Quoi. Il y a 20 millions d'habitants quand même. Hein. Ouais. Enfin bon, voilà. Et ils ont dit c'est non, mais c'est chez nous. Loukachenko, casse-toi, tu vois. Voilà. Loukachenko, il appelle le Führer pomme de terre. Potato Führer. J'aime beaucoup Loukachenko, mais cette expression me fait marrer. Ouais, c'est pas mal. Oh putain. Il faut que je trouve une expression pour les dirigeants polonais parce que. Ils ont aussi des gueules de patates, tu vois, de pommes de terre, mais je sais pas comment tu vois. De patates enrobées de lard, en fait. Oh putain. Oh, bon, ils sont croyants, c'est bien. Jésus. Enfin bon, voilà. Mais personne pouvait les blairer avant la guerre, il y a un an, là, au mois de janvier 2022, vous avez qu'à regarder les médias, hein, les Polonais, c'est des salauds, ils sont homophobes. Ah, maintenant, on oublie, hein, ça n'existe plus. Hein. C'est, tout d'un coup, ils sont géniaux, on les aime tous, quoi. Enfin, apparemment, si j'en crois Macron et sa clique et ses médias, quoi. Oui, les Ukrainiens aussi, ils sont encore plus homophobes, je pense, hein, pour le coup. Vu que les droits des homosexuels progressent. Hein. C'est dans la théorie. Hein. En pratique, pour le coup, ils sont aussi portés sur les. Ils sont au moins aussi homophobes que les Russes. Hein. Oui, mais ouais, ça se corrigera. Hein. Je pense que Zelensky a déjà de la gay pride. C'est bon, c'est forcé. Ouais, je suis pas certain. Les nouvelles générations progressent. Moi, j'ai vu des sondages d'opinion là. Ça a l'air d'avancer dans la bonne direction. Ouais. Ils s'identifient à l'Occident et de toute façon, ils vont au Starbucks. Et... Mmh. Enfin bon, à Kiev en tout cas quoi. Ouais, peut-être à l'Ouest, hein. Peut-être à Kiev, ouais. Possible. On verra bien hein, si l'Occident continue à progresser. Mmh. Hein. On verra. À la semaine prochaine, les amis. À plus.